VGBM spécial, film de notre enfance. Voilà, c'est un VGBM spécial parce qu'en ce moment, nous sommes entre guillemets en transition par rapport à notre émission, mais nous serons là, bien sûr, toutes les semaines. On fait une petite pause par rapport à l'actualité, mais on en parle quand même pendant une petite heure au début de cette émission, et puis en deuxième heure, on parlera de nos films d'enfance, que ce soit dessin animé en fait ou film live, parce qu'au départ, je voulais une concentration que sur... En fait, je viens de monter les escaliers, je reviens, je suis essoufflé. Donc, je vais reprendre mon souffle, et surtout je vais présenter les deux acolytes, parce qu'on est dans une émission un petit peu privée, là on est que tous les trois, tranquillement, avec Tommy, mon cher Tommy, comment vas-tu ? Très bien. Est-ce que tu es prêt pour cette émission et pour, on va dire entre guillemets, parler de ton enfance cinématographique ? Mon âme d'enfance est toujours avec moi tous les jours. Et télévisuel, je tiens à préciser quand même. Camille, comment tu vas ? Très bien. Camille, qu'a fais-tu ? Voilà, qu'a fais-tu ? Je ne suis pas sûr que ça soit très français. Non, mais qu'as-tu fait cette semaine ? Raconte-moi. Je déménage. Tu déménages ? Oui. Pour aller de où à où ? De chez moi à chez lui. Et où est ce monsieur ? Dans quel arrondissement, monsieur ? 94. Il est dans le 94. Ça se passe bien dans le 94 ? T'es bien où t'es là ? Mais ouais. On va rester dans le 94, mais ailleurs dans le 94. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous, toi aussi, tu déménages ? Ouais, bientôt. Donc, nouveau loyer, nouveau chez-soi, nouveau... C'est ça. Oula, je sens que là, quand ils vont refaire la peinture, ils vont refaire les murs, ils vont prendre des meubles, ça va être mignon, ça va être tout cute. Ça va être très sympa. Aujourd'hui, je vous ai créé deux petits nouveaux jeux. Il y a le blind test comme d'habitude, mais là, ça sera un spécial Midi les Zouzous. Donc, c'est tout un peu, entre guillemets, en fait, pour faire plus clair, c'est toutes les émissions, tous les dessins animés de la télévision de notre enfance. Il y a un grand mélange un peu de tout. Donc, que vous ayez 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, vous allez vous reconnaître quand même dans tous ces génériques, parce qu'il y en a, ils sont devenus super cultes. Aussi, je vous ai fait un spécial, alors qui n'a rien à voir, mais un spécial polémique ou anecdote sympathique par rapport au film. Par rapport au cinéma, c'est assez large, hein. On passe de Retour vers le futur jusqu'à Apocalypse Now, jusqu'à je crois des films récents. Donc ça va être très intéressant et il faudra deviner pourquoi j'en parle et quel est essayer de deviner un peu psychologiquement qu'est-ce qui s'est passé durant le tournage ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup d'anecdotes de tournage ou même post-tournage par rapport à la promotion, s'il y a eu des soucis, s'il y a eu des trucs un peu mal compris. Mais il y a des trucs quand même super intéressants à savoir. Pour commencer, j'ai envie de savoir, moi je pose souvent, vous savez, des questions par rapport à vos activités et par rapport à comment vous voyez un film. Et en ce moment, en fait, ça fait partie des news, mais autant en parler, Netflix a annoncé qu'il allait mettre sur sa plateforme des nouvelles séries d'animation japonaises, qui sont aussi des remakes de certains, comme Saint Seiya, ils font un remake en CGI. Ouais. Donc ils refont la série d'origine, mais en CGI, et aussi ils ont annoncé qu'ils vont aussi produire et puis mettre aussi sur la plateforme des adaptations de l'auteur de Charlie et la chocolaterie, dont le film Charlie et la chocolaterie en dessin animé. Donc est-ce que vous trouvez que Netflix, ils sont vraiment dans l'objectif de plaire à tout le monde, essayer d'avoir le plus de monde possible ? Ils sont obligés. Hein. Mais en même temps, c'est de qualité, j'ai l'impression, parce que quand même, il y a des productions, ils mettent de l'argent sur la table, entre guillemets. Il y a des trucs, hein, sur Netflix. Regarde ça. Bah, on ressort encore le même exemple. Sabrina, oui. Hein. Bah, vous pouvez en parler, Sabrina, parce que vous m'en parlez depuis tout à l'heure. Et quelle est la particularité de... Parce que moi, je me souviens d'une série avec une blonde dans les années 2000. Oui. Et ensuite, je me souviens du dessin animé. Sur M6, je crois, en plus. Mmh. Ouais. Et pourquoi ça fait... Parce qu'on parle quand même de cette série de plus en plus sur le net, et que ce soit sur Allociné, sur Facebook ou autre. Déjà, à savoir, c'est que... Est-ce qu'elle est bien ou pas aussi, cette série ? Parce que j'ai l'impression... Très bien. Ouais. Très bien. Ce qui est bon à savoir, déjà, c'est que... Déjà, en fait, Sabrina et Archie, Mystère et Compagnie, c'était des comics. Il met ton micro. Allô ? Il marche pas ton micro ? Eh ben, j'arrive tout de suite. Je t'entends pas. Prends mon micro. Tu peux continuer. Vas-y. C'est bizarre. Alors, ah oui, effectivement, le micro marchait pas. Donc à savoir, c'est tout ce qui est Archie, Mystère et Compagnie et Sabrina, ça est un peu dans le même univers et c'était des comics à la base. Enfin, des comics Archie, Mystère et Compagnie. Et du coup, là, dernièrement, Netflix a refait Riverdale, en fait. C'est Archie, Mystère et Compagnie, mais au goût du jour, en live, enfin... Après, je l'ai pas encore vu, la série, mais... Ils ont déjà refait Riverdale et du coup là ils ont refait Sabrina, mais ça n'a rien à voir avec la série de 2000 comme tu as dit, c'est plus sombre, je trouve scénaristiquement c'est mieux aussi. Et là je vais passer la main à Camille pour expliquer ça parce que c'est sa série du moment. Dis juste deux mots dans le micro pour voir si ça marche. Deux mots. Oui, ça marche. C'est bon. Non, moi j'ai juste une petite question, mais en fait cette série, en fait on est quoi, dans du teen movie, c'est ça un peu du teen... Non, c'est interdit au moins de 16 ans. Ah oui, quand même. Enfin, ça a changé, Sabrina, quand même. Ouais, ouais. En fait, vraiment, dans les années 2000, c'était un sitcom. C'était un truc voilà, où il n'y avait pas forcément besoin de voir tous les épisodes pour comprendre. Là, c'est vraiment... Il y avait même des rires, non? Des fous rires, ouais, non? Ouais, ah, c'est des France, ouais. Avec le chat. Qui... Oui, c'est ça. Ouais. C'est... Voilà. Et là, c'est vraiment une histoire tenue. Pour l'instant, il y a la première partie de la saison 1 qui est sortie. Ils sont en train de tourner la deuxième partie de la saison 1, qui arrive en février, si je ne me trompe pas. Et il y a un épisode spécial fête qui arrive le 14 décembre. Et c'est beaucoup plus sombre. Enfin, je veux dire, il y a quand même des scènes un petit peu sexy. Quand même, plus érotique, c'est ça que voilà, tu veux dire. C'est ça. Plus sexe, drogue et rock'n'roll, quoi, un peu. Ouais, entre guillemets, bien sûr. Ouais, voilà, c'est plus dark. Et satanique aussi, pareil. Ouais. Ouais. Okay. Il y a des trucs, moi, je les ai regardés d'affilée le soir. Je vais pas bien dormir cette nuit, ouais. Mm-hmm. Ok, donc, bonne série de Netflix. Ouais. Donc là, nous, de notre côté, moi j'aime bien qu'on parle de Netflix parce que je pense que tout le monde regarde un petit peu Netflix ou même télécharge illégalement, malheureusement, les séries aussi qui passent sur cette plateforme. Et puis aussi, ils sont en train de changer le monde du cinéma et le monde de la télévision aussi, Netflix, autant qu'on se le dise. Mm-hmm. Faire attention à Disney qui arrive avec sa plateforme. Mais Disney+, je pense que c'est pour ça qu'ils mettent aussi des adaptations de dessins animés, tout ça, parce que. Ils ont pris Disney, donc il faut. Ouais, voilà. Par rapport au titre, donc je vous disais, par rapport à Netflix, donc ils vont donc refaire Charlie et la chocolaterie mais en dessin animé, Mathilda, les deux gredins, la potion magique de Georges Bouillon, donc tout ce qui est en rapport avec je cherche son nom, Roald Dahl. Merci, Roald Dahl, voilà, je veux pas non plus dire des bêtises. Voilà, donc saison 2019. Voilà. Okay. Moi perso, je m'inquiète pas parce qu'ils ont adapté les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire et c'est vachement bien. Donc, avec le, pas en dessin animé, l'acteur de, j'ai plus son nom, mais de Barney Junior, un truc. Non, ça c'est dans la série, ça, Barney. Je checkerai après avec mon téléphone, je vous dirai. Les amis, on a appris la mort. En fait, on a appris plein de morts différentes, de grands, que ce soit producteurs ou cinéastes. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est plus télévisuel, mais c'est Stephen Hillenburg, le créateur de Bob l'éponge. Ah, okay, il est décédé de la maladie de Charcot, donc il était âgé de 57 ans. C'est jeune. Et donc il a créé donc, cette série Bob l'éponge, parce que c'était un passionné de tout ce qui était sous-marin, sciences naturelles, etc. Et donc avec son humour et avec bien sûr du second degré et un univers totalement décalé. Et on parlait des animés de l'enfance, ça c'est par exemple Bob l'éponge, quand même ça a traversé tout le monde. Et bah moi non. Toutes les générations. Moi non, plus. Pas quand j'étais gosse. C'est pas possible. Moi je l'ai eu, si tu veux savoir, c'est une période un peu. Je devrais peut-être pas en parler là, mais. C'est plus tard que j'ai connu Bob l'éponge, c'est quand je faisais un peu la fête avec mes amis, je fumais un petit truc, okay. Je regardais Bob l'éponge, on se tapait des fous rires dessus. Ouais, ok. Mais j'étais plus vieux, du coup, j'étais pas enfant. Mais ça, c'est une bonne anecdote quand même pour... C'est le bon passé de Toby, nous raconte le bon passé de Toby. Non mais Bob l'éponge, quand même... Mais en fait, c'était quand même une vraie marque, Bob l'éponge, dans les jeux vidéo, ça je m'en rappelle. Ah je sais pas si tu te rappelles, sur PlayStation, course, il y en avait plein, jeu... tous les ans, ils ont fait plein de jeux. Même, ils avaient fait aussi, parce que comme c'était Nickelodeon, il y avait aussi donc Danny Phantom, on en parlait tout à l'heure en off. Il y avait aussi un truc avec, tu sais, le gamin avec deux fées, là, je me rappelle plus. Un garçon et une fille, tu te rappelles plus. C'est comme le subconscient et la conscience qui était là. Ça, c'est bien, ça. Bah, je me rappelle. Et pas pareil, le truc que je disais tout à l'heure, là, les furieux castors ou je sais plus quoi, enfin les fous là, les castors fous, c'est Nickelodeon aussi. Ouais, non mais moi, je regardais H2O. H2O ? Ouais, c'était sur Nickelodeon. Avec les sirènes, ouais. D'accord, mais H2O c'était pas avec des sirènes et un truc comme ça. C'est ça. Ah oui. Et voilà, j'avais participé au casting pour la saison d'après. Est-ce que t'as été prise ? Non. Mais j'avais failli gagner, hein. Genre j'étais dans les top favoris. Et normalement, si je me trompe pas, c'est les Razmoquettes aussi, Nicolas. Oui, ouais, aussi. Mais alors quand même, est-ce qu'ils sont encore vivants? La famille de la jungle aussi, je crois. Hein. Oui, aussi. Oui, parce qu'ils ont fait, après ils ont fait un film ensemble. Ce qui était pas mal, j'ai bien aimé. Ouais, c'était sympathique. Et puis moi, je me rappelle surtout les Razmoquettes, le film et les Razmoquettes à Paris. Le premier film, bon, le deuxième, ça allait aussi. Mais le premier, j'avais bien kiffé. À Paris, il fait pleurer quand t'as la binocle, tu te rappelles? Dans l'avion. Le premier aussi. Moi, quand même, c'était des bons dessins animés. Ouais, c'est super bien. Le premier avec le loup, il faisait flipper l'enfoiré. Ouais, j'avais un jeu où je pouvais créer des cartes postales, les Razmoquettes. Bon, après, j'adorais. Bon, j'ai bien aimé les Razmoquettes à Paris, mais j'étais super triste parce que je voulais aller voir Jurassic Park 3 qui était en même temps au cinéma. Et je crois qu'il y avait interdit moins de 12 ans et j'avais 11 ans, quelque chose, 11 ans et demi peut-être. Je pouvais pas, ou je crois que ma soeur voulait pas voir ça, je sais plus, mais j'ai pas pu aller le voir. J'étais dégoûté. C'est marrant parce que je suis en train de lire l'article et en fait il y a un troisième film pour Bob l'éponge en 2020. Oh. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un film en 2004. Ouais, ouais, j'ai vu. Donc qui était quasiment totalement en animation. Parce que ce qui était intéressant aussi avec Bob l'éponge, c'est que de temps en temps il faisait des. Je sais pas si on peut les ça, mais des petits clins d'œil comme quoi, comme c'est une éponge et puis des moments il sortait de l'eau. Donc c'était après une prise de vue totalement différente. Ouais, ouais, bah ils ont donc, fait un film entier là-dessus. Ouais, ouais, exactement, avec Antonio Banderas qui était pas un chef-d'œuvre. Autant qu'on non, c'est pas un chef-d'œuvre. J'ai vu le film, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je regarde? Et là, j'avais pas fumé, donc j'ai pas apprécié le film. Ouais. Peut-être qu'il fallait fumer pour apprécier. Je sais que Bob l'éponge, c'est quand même clivant. Les enfants n'écoutaient pas ça. Non, mais c'est clivant quand même, Bob l'éponge. Il y a ceux qui comprennent le délire et il y a ceux qui se disent, c'est tellement taré, entre guillemets, parce que c'est quand même totalement fou. Ah, c'est alors, je fais un... que les Simpsons, parce que les Simpsons, des moments, ils vont quand même dans un. Ouais, c'est plus social, les Simpsons, quand même. Ouais. Et c'est très satirique. Exactement. Je vais faire un big up à une ex, elle avait Bob l'éponge tatoué sur. Les côtes tu fais avec. Des big up à des ex comme ça, toi. Avec genre un arc-en-ciel. Non, mais c'est dans le bon sens qu'il y en a mec, qui sont fans. Le seul mec à faire un big up à une ex quand il y a ta copine en face. Je ne sais pas comment tu fais ça. Mais je t'aime beaucoup en tout cas. Bah quoi. Ça me dit, j'en reparlerai aux autres la semaine prochaine. C'est toujours une amie. Bah oui, je plaisante. Mais non, mais les Simpsons. Oui, non, mais Bob l'éponge c'était plus quand même. Ouais, petit grain de folie quoi. Poésie, folie. Ah bah, pour un le coup, peu. Oui. Ouais. Et légèreté, j'ai envie de dire. Ouais, ça se prenait pas trop vrai. À tête. Bob l'éponge. Oui. Mais en tout cas, paix à son âme à Stephen Hillenburg, quand même, parce que pour avoir créé cette série, quand même assez exceptionnelle. Et assez longue en plus, je crois. Il y a quand même beaucoup de saisons. Ah bah, il y a des épisodes. En parlant encore d'animation, si je vous dis Cowboy Bebop. Ah oui, je connais, oui. Vous connaissez, oui, c'est une série d'animation japonaise. Spike. Il y a eu même un film. Et là, en fait, Netflix a annoncé, encore eux, qu'ils vont donc faire une série live de 10 épisodes. Avec donc de vrais acteurs et une série. Est-ce que c'est une bonne idée d'adapter les mangas en série live? J'ai... Parce que déjà les mangas en film live, je pense à Death Note de Netflix, c'était pas mal, mais bon, ils avaient dérivé quand même. Là, je pense que pour les fans, ils vont quand même, bah, ils seront obligés de dériver parce que vu que c'est un truc futuriste, ça a pas marché avec Death Note, ça a pas marché avec Full Metal Alchemist, ça a pas marché avec Bleach. Ah oui. Ça marchera pas, je pense. Bah là, je pense que c'est américain. On est bien d'accord, ils vont le faire à l'américaine. Ce sera pas avec des acteurs japonais. Parce que Bleach et Full Metal Alchemist, c'était version japonaise. Ouais, ouais, mais c'est pas. Donc ça, c'est encore plus différent. Parce que comme c'est une culture différente, avec un jeu différent, et Death Note, c'était à l'américaine. Et je sais pas. Moi, j'ai envie de laisser la chance au produit, mais bon, pourquoi pas un on film verra, et pas c'est une... dommage, parce que. Enfin, j'espère qu'ils vont faire des choses bien, parce que j'aimais bien Cowboy Bebop. C'était pas une série où ils te mettent 20 000 épisodes comme Dragon Ball, où pendant 3 épisodes, le mec il dit qu'il va te péter la gueule, mais il le fait pas. Là, je crois qu'il y avait 12 épisodes, un truc du genre, dans la saison 1. Enfin, la seule saison K. C'était vraiment une histoire. Il y avait 12 ou 15 épisodes, c'était fini. Bah là, ils veulent faire 10 épisodes. Voilà, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, ouais, la série, elle a été réalisée à l'époque par Shinichiro Watanabe, qui avait fait aussi Samurai Champloo, mais Samurai là on parle Champloo, de la série, qui était aussi une très bonne série. Et puis c'est considéré quand même comme un bijou de l'animation japonaise. Oui, quand même. Sinon, autre info intéressante, donc je disais que Netflix ils vont aussi mettre les Chevaliers du Zodiac, Ultraman, ouais, Neon Genesis Evangelion, Ultraman ou plein de séries différentes ça comme en... ça. Comme t'as dit tout à l'heure, comme ça s'appelle là, en live action ou. Non, non, là c'est que l'animation, c'est ça. Non, c'est le ça. Seul live action. J'arrive pas à parler ce soir, je vais bugger quand même sur deux heures. Live action. Live action. C'est que pour Cowboy Bebop. D'accord. J'arrive pas à dire en plus. Bebop. Mais Sensei, t'as dit, il était en. Non, lui c'est en CGI, ouais, en 3D CGI, quoi. Oui. En... Je sais pas, je suis pas trop fan de ça. Ouais, c'est un peu. Ça plaît pas trop quand même aux fans. Non, souvent, là, non, CGI, j'aime pas quand tu Je crois qu'ils avaient fait Berserk en plus, non? Saison 2 ouais, en non, CGI aussi. Je sais pas, je crois. C'était encore différent, c'était un autre style. Bon, on laisse la chose. Je préfère qu'ils fassent une nouvelle série que reprendre une ancienne série et la faire comme mais ça. Mais est-ce que t'avais vu Les Chevaliers du Zodiac, le film qui était sorti il y a quelques années? J'avais plutôt aimé, beau. Moi. C'est rapide parce qu'ils ont fait, je sais pas, 200 épisodes en une heure et quelques. Mais c'est beau, c'est vrai qu'il était beau. Je l'ai à la maison. Ils ont fait des raccourcis de fou. Mais en tout cas, c'était beau visuellement. Quand et ils ont testé des petits trucs sympas. J'ai bien aimé. Non, ça va, il était bien. Alors, super on beau, a appris aussi la mort de Samuel Adida. Je sais pas si vous connaissez ce nom, mais c'est souvent, on voit souvent sur les affiches Samuel Adida présente. Et en fait, il était producteur de beaucoup de films connus. Ça, moi, j'aime beaucoup ce qu'il faisait. Donc, il avait produit la saga Resident Evil, par exemple, avec Mila Jovovich. Bah, le premier, j'aime beaucoup. Juste le premier. C'est le et seul que Retribution aussi. Que je peux pardonner. Ouais. Mais je le prends pas comme étant Resident Evil. Bah moi je te conseille le premier et Retribution. Parce que moi j'ai joué au jeu et je peux te dire que ça n'a rien à voir. Ah oui non, ça n'a rien à voir. Bah non, donc, ils sont partis dans un délire. Le premier ça passe, parce que je le sors de ça. Par contre les autres, surtout qu'ils te mettent des noms, des persos de Resident Evil, mais ils mélangent tout. Non. Je continue juste par rapport à sa production. Il avait fait aussi Le Pacte des Loups avec Vincent Cassel et Samuel Le Bihan. Il avait fait True Romance avec Vincent Cassel, Christian Slater. Parce que c'est le film que je cherchais la semaine dernière. Exactement. True Romance avec Christian Slater. Le Domino avec Knackley, Silent Hill, l'adaptation. Il faisait beaucoup d'adaptations quand même de jeux vidéo. Le premier Silent Hill, ça allait. Le Parfum, l'adaptation du roman. Expendables 3, l'Imaginarium du Docteur Parnassus aussi de Terry Gilliam. Il est passé la trappe de super bien. Très bon film. Ouais, il est passé genre. Ouais, c'est vrai. C'était avec Heath Ledger, c'est ça ? C'était son dernier film. Avec Johnny Depp, Colin Farrell et. C'est même son dernier film, Essay Jam. Et Jude. Et ouais, il est passé. Il était pas mal en plus, ouais. Et en plus, on aperçoit, c'est un personnage important. Andrew Garfield aussi, à l'époque, quand il n'était pas encore Spider-Man. C'est pas son assistant ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est assistant, parce que c'est un cirque, etc. Sinon, pour parler, donc voilà, il est mort à l'âge de 64 ans. Puis merci pour toutes ses productions. Et lui, c'était de la société de distribution. Alors, il faisait de la production et aussi de la distribution avec Metropolitan Film Export. On a appris aussi la mort. Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont décédées, des personnes importantes quand même. Bernardo Bertolucci, réalisateur du Dernier Tango à Paris et du Conformiste. Voilà, donc il avait fait aussi Little Buddha avec Keanu Reeves. Donc il a fait quand même beaucoup de films très importants pour le 7e art. Et puis même son nom, aussi, même si on ne connaît pas, oui c'est vrai aussi, mais même si on ne connaît pas vraiment sa filmographie dans le sens populaire, c'est vrai que quand on dit Bernardo Bertolucci, le nom déjà résonne et on sait que c'est quelqu'un d'important du cinéma. Moi je connaissais de nom surtout. De nom, ouais, après, j'ai pas pu voir, en fait, quand j'ai aperçu sa filmo et je me suis dit, bah mince, j'ai pas vu un seul de ses films. Ça donne envie quand même de voir un peu, parce qu'il y a Little Buddha, comme tu dis, il y a Le Conformiste, je crois que c'est avec Jean-Louis Trintignant. Et après, le plus connu, donc, de Le Dernier Tango à Paris, avec... Avec... Brando. Marlon Brando. Voilà. Et aussi, quand j'y pense, il y a aussi... comment il s'appelle l'acteur fétiche de François Truffaut. Ah mince. La quadrilogie des Antoine Doinel. J'ai plus son nom, mais bon, je vous redonne. Mais en tout cas, c'est un film qui a fait polémique, comme tu disais aussi, celui-là, par rapport à ce qui est filmé, etc. Oui, parce qu'il y a quand même une scène de viol. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah, c'est effectivement. Ce film-là. Effectivement. Sur une mineure. Voilà. autre news, rien à voir, mais un peu plus positive, entre guillemets. On a parlé il n'y a pas longtemps d'Aladin. Et donc, il va bientôt sortir en mois de mai. Le film live. Je crois que tu me parlais d'Aladin. Avec Will Smith. Donc après Cendrillon, après Le Livre de la Jungle, après La Belle et la Bête, Aladdin de Guy Ritchie, donc celui Aladdin qui a fait les Sherlock Holmes 1 et 2. Ouais, ça peut le faire. Guy Ritchie il a fait plein de films, c'est lui qui fait Snatch. Ouais, beaucoup de films. Le Roi Arthur, Sherlock. Ouais. Le Roi Arthur, le dernier. Le Roi Arthur, Sherlock Holmes les deux. Très dans le côté rock'n'roll en fait. Pourquoi pas, c'est pas lui qui fait Robin des Bois. Non, mais c'est un peu la même manière de filmer. J'ai cru que c'était un Guy Ritchie, le Robin des Bois qui est sorti aujourd'hui, il ressemble. J'ai cru que c'était Guy Ritchie du coup. Mais oui, ouais, pourquoi pas. Guy Ritchie, Aladdin, Guy Ritchie, pourquoi pas. Après, il y a le Dumbo de Tim Burton. Il y a Will Smith. Hein. Le Dumbo. Ouais, mais Will Smith, j'aime beaucoup cet acteur. Mais plus maintenant. Genre, j'aime bien ses films avant. Et là maintenant, depuis, il choisit mal ses films, je trouve. Je crois que c'est depuis quel film? Depuis Je suis une légende aussi. Je suis une légende, était très bien. Bah, pour moi, c'est. Bon. Après, là où il s'est fait descendre, c'est bête, c'est After Earth, moi je le trouvais pas si mal que ça. Il est pas nul. Ah non. Oh, il est pas nul. C'était... De M. Night Shyamalan. Ah non, par rapport à ce qu'il faisait. Quand oui, même, mais ça se voit que c'était pour son fils qu'il a fait le film, donc. Moi, ça me dérange pas. Le film m'a pas dérangé, en plus, il est pas très important le film. Et donc, du coup. Non, ouais, c'est dans Suicide Squad vraiment où. Je pense que c'est là où ça a tout tué, Suicide Squad. Après, il y a des films qu'il a fait, Diversion, j'ai bien aimé, mais aussi pareil, ça a fait polémique, les gens n'ont pas aimé. Diversion était un bijou. Il était très bien. Mais pas le plus grand film de tous les temps, mais c'était un bijou. Il était vraiment. Ils n'ont pas aimé, mais vraiment beaucoup. Et j'ai pas compris. Mais moi aussi, j'ai bien aimé. Ah non, mais j'ai trouvé vraiment cette qualité en fait avec Margot Robbie, parce que c'était en plus l'époque où elle montait avec le Loup de Wall Street, et comme on l'avait eu que en mode pin-up entre guillemets dans le Loup de Wall Street, ça a changé. Et là ça a lui donné un rôle super important. Ah non, mais je suis d'accord, c'est le premier film où je l'ai vu. Bah, je suis d'accord, moi aussi, mais je suis d'accord, le film était très bien et il a pas marché, je sais pas pourquoi. Oh, ça, malheureusement, tout ne peut pas marcher, mais d'un point de vue quand même qualité, il a eu. Après, Will Smith, les gens, je sais pas, ils sont énervés contre lui ou je sais pas ce qu'ils ont. en général, il a fait des bons films quand même. Ou des films, des grands films, enfin des blockbusters, ou voilà, Men in Black, Independence Day, enfin voilà, il a fait des gros films quoi. Donc je comprends pas trop ce qu'on a contre lui. Mais moi-même, bah, après c'est Suicide Squad, je pense, qui m'a un peu stoppé, qui m'a un peu calmé avec lui, mais j'ai toujours bien aimé Will Smith, donc j'attends de voir ce qu'il va donner en génie. Même si je trouve ça bizarre, mais pourquoi pas, je vais vous dire, je vais vous regarder avant de dire. Ok, mais c'est vrai que c'est une question de choix, parce qu'en fait on voit, et je sais plus qui disait ça, mais par rapport à ses choix de personnages, on sent qu'il n'y avait pas un risque vraiment, il prend pas vraiment beaucoup de risques en fait depuis quelques années. Ouais. À part peut-être ouais, celui-là, peut-être là, jouer le génie dans Aladdin, ouais, c'est quand même c'est assez différent. Même Diversion, ça ressemble un peu à son rôle de Hitch, un peu le bobos. Parce qu'il faut dire que dans la version américaine, si je me rappelle bien, je crois que c'est Robin Williams qui double le génie. Oui. Donc pour les Américains, ça veut dire que vraiment Will Smith va remplacer Robin Williams, donc il faut qu'il soit à la hauteur. Oui, il serait encore là, c'est lui qu'ils auraient pris pour faire génie, j'aurais vu personne d'autre à la place. D'ailleurs, paix à son âme, encore une fois. Mais non, tu dis ça, mais il y a des films un peu de Will Smith qui sont passés un peu inaperçus. Bon, je l'ai à la maison, mais j'ai pas le temps de regarder. Il y a Seul contre tous, qui est une histoire vraie en plus. Et il se battait, je sais plus pourquoi, mais en fait, tout le monde était contre lui, c'était un avocat. Il me semble que je l'ai vu, et il est bien. Et voilà, en plus, et c'était là, ça changeait. Ou Cette vie, ou... Oui, Cette il a vie, fait plein de films, un où bon film. il change de rôle quand même. Oui, non, mais je parle récemment, il n'y a pas un risque. Bah, récemment, il a toujours le bon rôle, entre guillemets. Si... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il prend toujours le rôle du gentil gars qui va sauver tout le monde, etc. Ouais, Seul contre tous, il est pas si vieux que ça, enfin, il doit dater 2 ans maximum, tout du genre. Hein. Après, il est passé à la trappe aussi, ce film-là. Et... Moi, je l'ai pas. Je l'ai aussi. Il savait qu'il allait sortir au cinéma, je voulais le voir. Et quand il est sorti, j'ai pas vu, c'était quand je l'ai pas vu. Et du coup, là, je l'ai revu en Blu-ray, je l'ai acheté, il faut que je le regarde, mais. Ouais. Mais moi, c'est un acteur quand même que j'aime beaucoup. Je suis très content de voir son nom sur l'affiche ou savoir qu'il va être dans le film. Moi, j'aime bien Will Smith. C'est un acteur quand même qui représente une certaine génération. Et... Ouais. Bah, je pense que c'est quand même très intéressant. Tout ça. Non, génie, moi, c'est vrai que j'imagine. Enfin. Je sais pas, c'est peut-être bizarre à cause de la comédie musicale, mais moi je l'imaginais un génie plus en forme, on va dire. Plus large. Mais moi je pense qu'il sera de toute façon avec modélisation et tout ce qui suit, parce que c'est pas possible, il va pas juste arriver et puis on va voir Will Smith en mode 3 effets spéciaux. En même temps, c'est ça qui est intéressant, en sachant que Guerrici quand même fait un travail assez énorme au niveau du style. Ouais, je pense que on sait qu'il fait là-dedans ou pas encore. Ouais, mais c'est pas un acteur très connu. C'est un acteur inconnu en fait. Ils ont pris un acteur d'une série, mais c'est bien. C'est pas un acteur vraiment réputé. Très bien, ça fait plaisir justement. Je suis pas sûr que j'ai son nom, mais vraiment non, des nouveaux en fait. Beaucoup de nouveaux, même Jasmine, c'est une actrice de série télé, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Et en fait, vraiment la grosse star, c'est Will Smith dans ce film-là. Non, bah, c'est cool qu'ils aient pris des gens un peu moins connus. Bon, il y a Guy Ritchie et Will Smith, je pense que ça suffit à ramener les gens de toute façon. Ok. Et Aladdin, bien sûr. Pas besoin de. Ouais. Eh ben parfait. On se fait une petite pause et puis après on reprend avec le. Juste un petit truc sur les films. Dis-moi. C'est un film qui va sortir, je crois, le 12 décembre, là, Mortal Engine. Oui. Engine. Déjà, je suis content pour Hugo Weaving. J'adore cet acteur. Produit par Peter Jackson. Par Peter Jackson. Et pas réalisé. Produit. Alors j'attends de voir ce que... le film, je sais pas trop de quoi ça parle. Bon, j'ai vu un peu, pourquoi pas. Il y a d'avoir quand c'est même tiré d'un livre, il me semble. C'est, je crois, plusieurs livres, non, seul, je sais plus. C'est une série, oui. Ouais, une série de livres. Ouais, ils aiment bien une saga, faire, quoi. Faire une saga, quoi. Comme c'est un Zano et tout ça. Mais déjà d'une, je suis content pour Hugo Weaving. Bon, l'actrice, je sais pas c'est qui, donc c'est un peu une nouvelle, donc c'est bien aussi. Donc Hugo Weaving, je sais pas, Monsieur Smith dans Matrix, l'aileron dans Seigneur des Anneaux, V pour Vendetta, enfin, plein de trucs. Donc méchant dans Captain America. Aussi, déjà il a de la barbe et tout, je trouve il a du charisme. Il a une gueule de base, mais là avec la barbe et tout, je trouve même stylé. Donc j'attends de voir ce que le film va donner. Et un acteur aussi, ça fait longtemps que je l'avais pas vu et je savais pas ce qu'il devenait. Bon, il a fait d'autres trucs, bien sûr, il m'a pas attendu. Hein. Mais je suis content de le revoir, c'est l'acteur qui faisait Nathan dans Misfit. Il est d'accord. Et du coup, c'était mon perso préféré dans Misfit. Et genre, je crois qu'il était parti de Misfit pour faire un film. Je sais même pas c'est quoi le film. Je crois que ça a fait un flop le film ou ça a pas marché. Et là, le revoir, moi, ça me fait plaisir. Mais toi, le film vraiment t'intéresse. Parce que moi, j'ai trouvé par rapport à la bande-annonce, je t'avoue, j'ai vu ça et je me suis dit, mais ça m'a l'air très classique en fait. Très, ouais, mais ça m'intrigue. Tu sais, une mécanique très à l'ancienne, quoi. Genre, il y a un méchant, il y a un gentil, il y a les pauvres, il y a les riches, entre guillemets, si on peut dire ça peut-être, comme ça. Peut-être, si mais je peux me laisser surprendre. Par contre, j'avoue qu'il y a le cliché, un peu de l'asiatique qui se bat avec une arme et tout. Je crois qu'il a un gros fusil ou je peux quoi. Ouais, ça fait très. On a adapté un truc et puis on essaye de mettre. Tu vois. Un petit peu, ouais. Mais il m'a fait penser aussi à un, en parlant de jeux vidéo, tu vois, je sais que t'aimes beaucoup, mais No More Heroes, je sais pas, te rappelles, il y a un personnage comme ça un peu dans le même style, avec veste rouge, lunettes de soleil. J'avais joué un peu. Donc je sais pas, moi franchement le film c'est m'intéresse vrai que ça pas parce beaucoup, que. Ouais, maintenant que tu me dis, ouais, je peut-être une petite référence, mais en tout cas ça m'intéresse pas des masses. Moi ça m'intrigue. Bah, j'avais le nom de Peter Jackson, Hugo Weaving, tout ça. Non, c'est Robert Sheehan, l'acteur. L'acteur ? Ouais, je me souviens plus de son prénom. Mais du coup. Mais rappelle-toi quand même, hein, parce que Man of Steel, tout ça, tous les films de super-héros d'ici qui marchent pas trop, c'est produit par Christopher Nolan, et puis pourtant, c'est pas des bons films. Ah oui, donc, oui non, je sais, mais. Moi, je le sens pas du tout, en tout cas. Moi, perso, il me donne envie. Moi-même, j'ai envie de voir. Ah non, moi, franchement, j'ai après, moi, vraiment, c'est le côté après, mécanique. Je comprends ce que tu classique. Bah quoi. Ouais, mais c'est j'ai des engins différents. Qu'est-ce que je te dis, c'est des machines. Non, bah non, mais c'est pas en Pacific Rim, j'ai pas vu, mais je sais que c'est assez différent quand même. On est plus dans quelque chose. Le premier, j'avoue, c'est autre chose. Mais c'est. Ah non, c'est Guillermo del Toro, ouais. Le premier, ouais. Non, mais. J'attends de voir, mais moi, ça m'intrigue. Sachant que s'ils n'ont pas fait une trop grosse promo, enfin, là, il y a la bonne annonce, ils n'en ont pas trop fait. Pourtant, c'est produit par Peter Jackson, tout ça et tout. Ils auraient pu faire une putain de promo de ça. Non, ils sont restés assez discrets. Mais je pense que comme c'est pas réalisé par lui, ils se font un truc discret en fait. Ouais. Et puis aussi, c'est pas connu chez nous. Bah, j'ai l'impression que c'est un truc genre. Il filme événement, mais pour nous. Ou. C'est une grosse surprise, ça va être super bien. Ou alors, c'est comme tu dis, ça va être un truc qu'on a déjà vu, on va être en mode mouais. Mais c'est assez étrange ces films-là, il y en a beaucoup, je sais pas si vous... Souvent, on les voit en bande-annonce juste avant le film. Et les films avec beaucoup de moyens, je veux dire, il y a vraiment des trucs un peu science-fiction, fantastique. Et on a l'impression qu'il y a une promotion qui est pas à la hauteur, en fait. Comme si c'était quelque chose qui... Voilà, ils ça l'ont passe. Fait comme ça. Mais... Et ça me fait penser à Divergente. Divergente, c'était ça. C'est le premier événement, le deuxième. Et le troisième, il est passé... à côté quoi entre guillemets. Il est sorti au cinéma. Mais c'est si ça. Le... Ah merde attendez. Non, il est pas sorti au cinéma. Non le, si le troisième parce qu'il y a le troisième qui devait être divisé en deux. Il y a la première partie et la deuxième partie n'est pas sortie au cinéma. Moi, je crois que j'ai vu pas que un deux au cinéma fait. Mais. Ouais. En fait je sortais déjà. Mais tu de... vois t'es même pas au courant qu'il existe. C'est mais, ça si je savais mais j'ai vu le 1 et le 2 ça non, m'a suffi parce que j'étais déjà sorti de Hunger Games, sorti de Labyrinthe dans tout ça un peu et donc ça faisait encore un autre genre de film du même genre Divergence est moins kiffé. Après, surtout que c'est beaucoup moins bien que le livre de ce qu'on m'a dit, sauf c'est quoi, c'est le premier que ça va non le premier, ça va. Le premier, le film, ça allait, mais après, je pense que je l'ai senti que ça allait pas. Enfin, que même si j'ai jamais lu le livre, j'ai senti que c'était pas bien le film. Là. Ok. Ouais, mais en tout cas, moi, point de vue personnel, je trouve que Divergente, c'était pas mal. Hein. Moi, j'avais plutôt aimé. Le premier, surtout. Après, bon, un peu moins. Ouais, le premier, c'était intéressant. C'est comme Hunger Games, j'ai vu le 1, le 2. Alors, Hunger Games, j'ai jamais accroché. Le 3, partie 1, mais j'ai jamais regardé la partie 2, du coup. Mais j'ai jamais vu la partie 2. Non, mais cette saga est très bizarre parce qu'elle commence pic de ouf, salle complète, ça devient un événement, le 1, le 2. Et à partir du 3, qui se divise en 2. C'est parti en mode, on n'est même pas au courant que ça sort, quoi. Et le 3 partie 2, problème, ça fait un flop. Hein. Au cinéma, ça n'a absolument pas marché. C'est souvent le problème. C'est après, le premier a fait mal aux gens, parce qu'il est très chiant, le premier, partie 1. Enfin, le 3 partie 1. Mais moi, j'étais en mode, je t'avoue, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on te dit, waouh, c'est un événement, c'est un événement. C'est comme Divergente, on dit c'est un événement, après, c'est un événement. Mais en fait, c'est des événements. On veut refaire du Harry Potter, pas dans le scénario. C'est ce que mais j'allais dans dire le phénomène, on veut faire des phénomènes. Et en fait, le truc fait j'allais dire un truc du genre de Harry Potter, ok, j'ai tout regardé, une fantastique, je regarde. Donc, Harry Potter, à l'époque, j'avais tout regardé, j'avais kiffé. Mais là, tous ces films-là, je m'y souffle toujours avant la fin. Divergente, j'ai regardé que 1 et 2. Hunger Games, partie 1, du 3, partie 1, je me suis arrêté. Labyrinthe, j'ai regardé que 1 et 2. Moi je m'essouffle à chaque fois ces films. J'ai comme Labyrinthe. Mais Labyrinthe, ils ont eu un problème sur le tournage. Dylan O'Brien il s'est blessé, du coup ils étaient obligés de reporter le tournage et tout. Fin... Mais non, mais pas en Labyrinthe, pareil, ça va faire peut-être le même effet. Je le ressaute pas, mais j'ai l'impression que le 1 événement, le 2 un petit peu aussi. Et là, pareil, problème de tournage, donc j'imagine que ça va être. Ça bah va... ça y est, il est sorti le 3. C'est fini là, non ? Il est sorti. Ah, parce qu'il est sorti. Il est sorti au début c'était de l'année. Là, ouais. Enfin, ah, donc c'est fini. C'est fini. Ouais. Bah, j'étais même pas au courant que le 3 était sorti. Moi, je me suis essoufflé, j'ai pas regardé le 3. Je pourrais même pas le donner 3, le titre. Bien. En plus, il est bien, ouais, je m'en doute, mais voilà. Il est sorti quand ? Je suis même pas au courant. Mais il c'est dingue. C'est qu'on fait des sagas, on a le début et après ça devient. Si, c'est le remède mortel. Après, c'était bien. Le remède mortel. Non, c'est le 2, ça. Non ? Non, non, le remède mortel, c'est le dernier. C'était pas le truc du désert alors, le 2. Non, la terre brûlée, c'est le 2. La terre brûlée, voilà. Le remède mortel, c'est le 3. Non mais c'est vrai qu'il n'y a plus trop de grandes sagas. Mais du coup j'ai du mal. Bah voilà, j'ai du mal à regarder les sagas jusqu'au bout. C'est assez souffle pour moi. Ouais. Mais clairement, enfin par exemple le remède mortel, ils sont arrivés après à cause de l'accident, ils ont tourné, enfin ça a tout décalé, ils sont arrivés après la vague de teen movie apocalypse machin. Et même une dernière saga que j'ai regardée entière et en plus je regrette un peu, je me serais bien arrêté aux deux. C'est le Hobbit. 2-3 étaient trop pour moi. On m'a dit qu'il y avait un seul bouquin et en fait ils ont fait 3 films. Ah, ils ont étiré tout le scénario. Ah, ils ont rajouté des trucs. Ils ont rajouté plein de trucs. Déjà, juste des petits trucs. Saruman, tu t'en entends pas parler dans le Hobbit. Ouais. Là, tu vois beaucoup. Sauron, t'en entends pas parler dans le Hobbit. Il y a des allusions peut-être, mais je pense pas que c'est un petit fan service, c'est un modèle. Ah, c'est un fan service complètement, mais nous on veut pas de ça. L'histoire d'amour entre le nain et l'elfe, ça existe pas non plus, ça. Ouais, bon après, c'est l'adaptation, c'est malheureusement, c'est comme ça, on essaye. Ouais, mais bon. Surtout, ça dure 2h30 avec des scènes supplémentaires, donc ça dure 3h. Le 1, ça va, j'aime bien. Le 2 aussi. Et surtout la scène avec Smaug et tout. Mais là, en fait, il te tue, même le 1 et le 2, en 5 minutes. Dès que le 3 commence, il te le tue. Tous les autres films. T'es en mode, mais non ? Tu les as vus ou pas ? Non, moi j'ai juste vu Seigneur des Anneaux. Moi, je préfère Seigneur des Anneaux, pareil. Ouais. Bah déjà, c'est trois gros livres. À l'époque, Seigneur des Anneaux, c'était juste déjà voir un film qui n'ait pas de fin. Ça, c'était déjà. Il y en a, hein, mais c'est quand même quelque chose quoi, de faire un film, gros budget, gros film, et puis se rendre compte qu'à la fin du film, au bout de 2h30, bah, t'as pas de fin. Ouais, et pourtant, tu mises quand même de l'argent pour que les gens aillent voir le deuxième. Et il s'est passé plein de trucs pourtant. Oui, moi, j'avais pas vu le premier au cinéma, je connaissais pas. Mon frère arrivait et il avait acheté le DVD quand il est sorti. Il a dit, regardez ça. On a été voir le 2 et le 3 direct au cinéma après, hein, on a kiffé chez moi. Mais tu vois, ça a fait vraiment un événement. Mais non, mais j'aime beaucoup moi le Seigneur des Anneaux parce que c'était les bonnes cinématographiquement, sagas. C'est quelque chose. Et c'était les bonnes sagas pour moi, c'était Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars, Matrix aussi, c'était une bonne saga. Indiana Jones, voilà, c'était les bonnes sagas. Aujourd'hui, les sagas s'essoufflent ou sont. Je sais pas. Donc ils ont fait deux parties d'un film. Oui, surtout c'est ça. À part jamais rien dans la première partie. Harry Potter, ça a marché parce que c'était Harry Potter. Même si. Bon, franchement, la première partie, c'est vrai qu'en la regardant d'un fois, ça va un peu mieux. Ça va mieux que. Dans mes souvenirs, c'était maintenant, non. Même si, bon, ceux qui ont lu les livres, ils pensent quand même que c'est de la merde. La plupart des gens. Mais du coup, les films se regardent tous. Même si moi-même, je sais plein de choses des livres, je sais qu'il manque des trucs, mais ils se regardent quand même. Même si tu lis pas les livres, tu comprends à peu près. J'ai à peu près ce qu'il y a des trucs qui sont pas bien expliqués. Mm-hmm. Mais c'était le seul qui est en deux parties qui pour moi passe. Okay. Tout ce qui est Hunger Games, les autres trucs en deux parties. Twilight. Bon, Twilight, de toute façon, je me suis arrêté au premier. J'avais oublié cette saga, j'en ai même pas parlé tellement. C'est parti en cacahuète quand même. Et aussi peut-être le truc. Le 1 était super bien. Parce que le Twilight 1, niveau réalisation, c'était génial. Franchement, c'est un bon Twilight film. Twilight 1, ouais, bof. Je te jure, regarde-le. Mais moi, j'étais surpris. J'ai fait waouh, c'est vraiment de qualité. Après, bon, bah, c'est parti dans un autre délire, quoi. C'est devenu de la romance un peu lourde et pathos, quoi. Moi, le premier déjà. Mal réalisé. Le premier déjà, j'étais un peu mode ouais. Et je rappelle quand même la scène du bébé, je sais pas pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de Twilight, mais il y a une scène de bébé où le bébé il est en effet spéciaux, c'est une catastrophe absolue, c'est le pire bébé modélisé, hein. Vous jure, mais c'est connu pour ça. Pas voir ça. Il y a eu la mort de Mario Cotillard dans Dark Knight Rises, et puis il y a eu ce bébé aussi. Ah, tu le ressens souvent celle-là, t'as vraiment pas aimé, hein. Non, mais en vrai, il y a eu un débat sur ce film, on va pas refaire, mais bon, quand même, c'est pas de sa faute en fait. Hein, oui, on sait, je crois, c'est embrouillé. Ça, c'est étrange quand même, faudrait revoir cette séquence, je veux revoir cette séquence. Parce que c'est étrange, comment on peut. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Que cette scène soit la bonne. Mais c'est le réel, je crois, ils sont embrouillés, c'est lui qui a choisi, ou c'est pas un truc comme ça ? Non, ils ont pas fait attention. Ça peut arriver, mais quand même. C'est bizarre. C'était non, la meilleure prise, mais c'est. Ouais. Ah, ouais, je sais pas, c'est bon signe de dire ça. Ouais. Ah, c'était ça C'est peut-être qu'en fait, sur d'autres prises, je sais pas, il y avait un truc qui allait pas, mais ailleurs que son jeu, et du coup. J'ai entendu qu'elle s'était un peu embrouillée avec le réel. Moi, j'ai pas du tout entendu ça. Enfin, bon, maintenant, elle en rigole, hein, donc. Bah. C'est quand même une bonne actrice. Je pense hein. que tu. Oui, voilà, elle a quand même fait des trucs avant et après. Enfin, voilà. Ça va, ça l'a pas tué non plus, c'est. Non. Bon, c'est sûr, ton premier grand rôle, tu fais un truc comme ça, t'es dans la merde, quoi. C'est clair, mais c'était pas son premier rôle et pas le dernier. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on joue un petit peu aux anecdotes de films que j'ai chopé un petit peu par-ci par-là ? Il y en a de très intéressantes. Par exemple, je prends la première anecdote. Cheval de guerre de Spielberg. Est-ce que vous voyez un petit peu le film ? Je crois pas l'avoir. C'est pas grave, si vous l'avez pas vu, c'est pas très important. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au tournage, ils ont fait quelque chose par rapport au cheval. Pour pouvoir vraiment filmer tout le film, je crois qu'il dure 2 heures le film. Donc pour un tournage aussi long, je pense qu'ils ont tourné durant quelques mois, ils ont dû faire quelque chose de technique, quelque chose d'important pour que les transitions fonctionnent. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire, d'après vous ? Mettre la caméra sur le cheval ? Non, sur le cheval, on est plus sur les moyens là, sur les moyens dépensés entre guillemets. C'est pas des sous, hein, mais qu'est-ce que. Ils ont peint le cheval ? Non. Non, parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de scènes. Et un cheval, ça se fatigue. Ils en ont pris plusieurs. Oui, mais combien Combien de chevaux ils ont pris ? 20. Non, moins quand même. 10 ? Plus. 15 ? Non, 14. Putain. 14 chevaux différents pour être utilisés par le rôle principal. Bah non, parce qu'en fait ils se ressemblent tous, c'est ça qui est incroyable, c'est 14 chevaux qui se ressemblent pour faire cheval de guerre. Donc après je sais pas s'il y a eu des effets spéciaux après pour enlever c'est peut-être ouf. Les différences, c'est ouais. bien possible, mais c'est quand même assez incroyable. Enfin, c'est pareil que la chouette de Harry, hein. C'est jamais... Ah c'est... Il y en a eu combien? Mais je sais pas, mais il y en a eu plein. Alors je tiens à vous dire, parce que j'ai fait les petites recherches anecdotes de je films, et Harry Potter, je crois qu'on peut faire un livre sur les anecdotes de tournage d'Harry Potter. Ah oui, mais c'est sûr. Mais j'ai pas chopé, je me suis dit ils vont deviner, je vais éviter. Tu sais si que je me trompe, alors là par contre si tu veux je pourrais emprunter, j'ai offert à mon meilleur ami, parce qu'il est aussi fan d'Harry Potter, le livre des enfin tout c'est pas tout mais la plupart des secrets de tournage. Par exemple, puisque tu savais qu'à Grid il y avait deux acteurs, il y en avait un qui était super grand, ouais, et il y a celui-là où on voit sa tête, et c'est deux acteurs différents. Non, c'est... en fait on remodélisait son visage sur l'acteur. Non, en fait souvent tu le voyais quand il était grand, tu le voyais de dos ou de côté, tu le reconnaissais pas forcément. Et c'était en fait, pas le une doublure. Ouais. Okay. Enfin, ça arrive souvent, mais ça arrive pour Hagrid, ouais. Ok, c'est bon à savoir. Petite anecdote, quand tu fais un petit apéritif avec des amis qui sont fans d'Harry Potter. Voilà, il y a plein de choses dans le livre comme ça. Plein d'anecdotes. Ok, retour vers le futur, Robert Zemeckis. Oui, retour vers le futur, assurément. La trilogie. Bonne saga aussi, qu'on oublie de parler d'ailleurs. Donc, la machine à remonter le temps, c'est quoi? Dans c'est la voiture. C'est une voiture. Ouais. Et au départ, c'était autre chose. Qu'est-ce que c'était? Un frigo. Oui. Je crois que je l'avais entendu celle-là. Et pourquoi un frigo? Et pourquoi ils ont changé en fait? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi ils sont passés du frigo à la voiture? Je sais plus, mais c'est. Parce que ça roule pas un frigo. Ouais, c'était plus facile, un truc qui bouge. Non. Non, essaye de deviner parce que l'anecdote est quand même super sympa, je trouve. Pourquoi changer le frigo pour une voiture? Parce que la voiture. La réponse est la marque... en rapport avec le frigo, hein, pas la voiture. Ah merde, pourquoi le frigo ils ont dit non? Non, pourquoi ils ont dit non pour le frigo? Ah, j'allais dire à la base, c'est parce que DeLorean on avait des parts de marché dans le film, mais non. Non, du coup. Pas du tout. Et pourquoi ils parce ont que le frigo non, est tombé en panne quand le frigo. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce qu'il rentrait pas dedans. Non. Il n'y a pas de frigo assez grand. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont eu peur, ils se sont dit, mais si les gamins aiment le film, ah, oui, ils vont monter ils vont rentrer dans le frigo. Et si la porte se referme et s'ils n'arrivent plus à sortir, et ben ils vont, malheureusement, il y aura des accidents. Ah, donc oui. Ils se sont dit, on change, on prend une voiture. Mais c'est énorme. T'imagines le film avec un frigo, quoi. Ah, c'est... Ça change tout. Hein. Ça change tout. Ah, d'un coup, c'est... la classe. Je suis content qu'ils aient pris la voiture du coup. Merci les enfants. Alors... Je sais pas si ça aurait eu le même impact. Ah, je pense pas. Là, je passe à Sherlock Holmes de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Et je me suis rendu compte, en fait, Robert Downey Jr. il est pas si simple que ça durant un tournage. Même s'il est très bon, mais il est un peu compliqué. Et par rapport à une anecdote, ça c'est très intéressant. Entre Robert Downey Jr. et Jude Law, Il y a quelque chose d'intéressant. En fait, il a eu souvent des problèmes de marche, Robert Downey Jr., durant Sherlock Holmes. Pour quelle raison? De marche. Pourquoi il n'arrivait pas à marcher? Parce qu'il était bourré. Durant non le film. Non. Parce qu'il portait des talons. Oui. Parce qu'il est trop petit. Oui. Ah. En fait, il a dû supporter en fait, des talonnettes pour que les tailles soient un peu à égalité entre Jude Law et Sherlock Holmes. Parce que Jude Law est vraiment plus grand que Robert Downey Jr. Et en fait, il aurait gueulé et il aurait dit c'est des stupides chaussures. Parce qu'en fait, il se cassait la gueule à chaque fois. Donc quand même, c'est intéressant. Et une autre anecdote sur le même film. Avant d'être la maison de Sherlock Holmes, vous savez, il y a la maison de Sherlock Holmes dans le film. Ça a été la maison de quelque chose d'autre, en fait, pour un autre tournage. Pour quel film? Oh. Alors, attends. Là, vous pouvez me proposer. Hein. Donc vous voyez la maison un petit peu, si vous vous souvenez, ça fait voilà. Donc imaginez le film dans voilà, la relation est non, la relation est efficace. C'est des films récents. Là, c'est un film récent, un film année 2000. Attends. C'est assez gothique, assez sombre. J'ai que l'image de la série en fait. Merde, moi aussi j'avais la série, je mélangeais. Alors attends, si je l'ai aussi. Récent. Un film avec Gary Oldman. Bah Harry Potter. Oui. En fait, ça a été utilisé pour la scène avec Sirius Black dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je sais pas si vous vous souvenez. La maison de Sirius. Donc il accueille, je crois, si c'est bien ça, hein, il accueille bien Harry Potter. Il a dit, je sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui, je pose la question quand même. Mais et puis en fait, cette maison, c'est la même que dans Sherlock Holmes. Voilà. Donc c'est le score Grimoire. La maison des Blacks. Exactement. C'est la maison des Blacks. C'est le même décor. Bon, j'imagine qu'ils ont retapé, mais c'est le même endroit en tout cas. J'ai envie de parler de Rebelle de Disney. Ok, Rebelle avec la rouquine qui pousse ses cheveux avec des effets spéciaux incroyables. Donc petite anecdote, mais bon, ça a été tout un événement parce que la modélisation des cheveux et le fait qu'il y ait le mouvement des cheveux, ça a pris des temps et des temps des mois de travail. Et c'est connu pour être un peu le premier film par rapport à cette technique-là. Mais sinon, pourquoi? En fait, Rebelle, c'est le premier film de Pixar à avoir quoi? une héroïne rebelle est une... Oui, bonne réponse. Ah, c'est en fait c'est une héroïne, enfin ouais. C'est la première fois que Pixar, dans un film Pixar, donc que le personnage principal est féminin. Donc quand même c'est intéressant. Et le film il doit être dans les années 2008. Ouais, du genre, ouais. Donc quand même on a pris du temps, mais bon, on parle bien des films Pixar et pas Disney. Hein. Mm-hmm. Les Indestructibles, pareil. C'est le premier film de la société Pixar avec une certaine particularité. Pourquoi ? C'est que... Il y a des morts ? Non. Ça, ouais, par contre, c'est vrai qu'il y a des morts. Qu'il y a toute une famille qui est... Non. Non, je sais pas. Attends, deux secondes. Parce que les personnages principaux, c'est des êtres humains. Ah. Donc c'était le premier film avec des êtres humains oui, en personnage. Ouais, parce que tu me diras, Toy Story, il y a l'enfant, oui, mais c'est pas le personnage pas principal. Ouais. Non, mais c'est intéressant à savoir. Par rapport à Kill Bill de Tarantino, autre anecdote. Ça, je connais moins, pourquoi ça. La version japonaise est différente de la version française ? C'est petite parce anecdote sympathique. Ouais. Non, non, au-delà de ça. Les images. Oui, mais qu'est-ce qui a changé ? En japonais. Et ? Donc il y a plus de sang et aussi ? Et d'insultes, non ? Non, en fait, il y a des passages en noir et blanc dans la version originale. Et en fait, les passages japonais, c'est les mêmes, mais en couleur. Oui, avec voilà. plus de sens. Avec plus de sens. Avec les scènes voilà, plus ouais. gore. Ouais, je crois que je devais. Mais c'est intéressant à savoir ça. J'ai vu la version japonaise, je crois, du coup. Parce que j'ai vu celle avec plus gore. Moi. Ouais. C'est vrai ? C'est possible ? T'es sûr de ça ? Non, je pense pas. Ou alors peut-être c'est la version, je pense, Director Scott, peut-être. Ou un ouais, truc ça, c'est pense. Ça que je dois voir, alors, ouais. J'ai envie de parler d'Apocalypse Now. On sait que Apocalypse Now, c'était un tournage super difficile de Francis Ford Coppola. Il y a eu plein de choses, des malades, des ceci, des cela. Mais il y a une particularité. En fait, il y a un acteur, donc Martin Sheen, qui joue dans le film. Et il s'est passé quelque chose par rapport à cet acteur-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Il y a eu un truc super grave. Super grave. Non, il y a Martin Sheen dans le film. Il se passe un truc à la fin du tournage. Qu'est-ce qui se passe ? Mais un truc très grave. Hein. Ouais. Essayez de deviner. Qu'est-ce qui a pu se passer ? C'est par rapport au film ? Par rapport au film. Il y a eu tellement de stress. Tellement de soucis. C'était intense. Il s'est battu avec un autre acteur et s'était mis dans le film ? Non, pas du tout. C'était intense. C'était dur. C'était un peu fou. Ils étaient alcoolisés. Ils étaient drogués. Des techniciens, le 1 hein ? Non, des techniciens. C'était un tournage tellement un peu rock'n'roll, et même pas rock'n'roll, totalement fou. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin quand même ? Quand par exemple tu fais énormément de choses qui sont dangereuses, qu'est-ce qui se passe souvent à la fin ? On peut dire ça. Burnout. Et il a fait un malaise cardiaque. Ouais, mais ils ont réussi à le sauver. Cardiaque. Et c'est quand même assez incroyable. Et il y a même aussi une autre anecdote, comme quoi Marlon Brando qui est dans le film, normalement il devait jouer donc un soldat, etc., le même rôle qu'il joue. Mais ils se sont rendus compte, en fait, quand il arrivait, il était assez obèse. Et en fait, il pouvait pas trop se déplacer, il pouvait pas trop faire un soldat surentraîné, quoi. Donc il y a eu un souci, et puis ils ont dû. Ouais, on va dire ça, s'adapter à l'acteur et aussi il connaissait pas son script non plus, pas les dialogues ni rien. Donc ouais, le tournage était quand même spécial, quoi. Et il y a eu même, alors petite anecdote aussi, il y a eu même aussi un décalage de tournage parce qu'il y a eu un typhon. Oui. Non, mais tu te le dis, tournage wow, maudit, quoi. Mais c'est ça, c'est le tournage le plus compliqué. Il y a même sa fille, Francis Ford Coppola, qui a écrit un livre récemment, mais oui, récemment. Ouais. Il n'y a pas une émission aussi, enfin, un documentaire. Je suis pas sûr que ça soit celle. Est-ce que c'est celle-ci? Oui, je crois que c'est Sophia Coppola. Il y a un documentaire, je crois, que c'est sa fille qui l'a fait aussi. Ah, ou c'est sa possible. Femme, non, c'est sa femme, je crois. Mais alors, je sais pas si c'est sa femme ou sa fille. Je veux pas dire. C'est sa femme qui a fait un documentaire. Mais c'est sa fille. Je crois que c'est Sophia Coppola qui a aussi écrit un livre sur le tournage quand elle était. Donc, je crois qu'elle devait être adolescente, quelque chose comme ça. Donc, quand elle était petite. Par rapport à ce tournage et ouais, comment ça s'est passé dans sa vie familiale. Je crois qu'il y a eu un documentaire. Ah, c'est possible aussi. Pendant le film. Ah oui, c'est et sûr. Et c'était la femme, je crois, qui a fait ça. C'est sûr. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais on en avait parlé. En cours, est-ce que vous connaissez Ted ? Oui. L'ourson un peu vulgaire et un peu. Ouais, avec Mark Wahlberg. Ouais. Pourquoi le film a failli pas se faire ? Et alors là, je vous jure. Et qu'il aurait dû naître. Mais... C'est énormissime. Trop violent, enfin trop. Non. Parce que les marques d'ourson, enfin de peluche non. d'ours, ils ont pas rien à voir avec la marque d'ours. Rien à voir avec la peluche. C'est plus dans la vie. Pourquoi ils ont pas pu faire ce film ? Ça concerne Mark Wahlberg, donc qui est l'acteur principal, et Seth Mark. J'arrive jamais à dire son nom. Seth MacFarlane, qui est un comique très connu. Ils se détestent les deux ? Non. Mais il y a un lien entre les deux. Ils sont sortis ensemble ? Non. Est-ce que vous essayez, c'est ce que vous essayez de deviner ? Il y en a un qui devait de l'argent à l'autre. Non plus. Non, aucun conflit entre les deux. Non, non, en fait, il s'est passé quelque chose qui a concerné les deux en même temps. Il y a eu un scandale par rapport aux deux ? Non, pas de scandale. Ils ont perdu quelqu'un de leur famille en même temps ? On s'approche de la chose. Il y a un des deux qui est sorti avec la mère de l'autre. Non, rien à voir. Ils ont, et c'est pas entre les deux. Hein. C'est vraiment juste, il s'est passé la quelque chose d'assez catastrophique. Ils ont perdu un proche en même temps, non? Ils ont réussi plutôt à éviter une catastrophe. Une tornade ou... Non, quelque chose de très connu. Qui représente un peu le chaos aux États-Unis. Water Center? Ouais. En fait, ils ont échappé à la catastrophe du 11 septembre 2001. Et en fait, alors ça n'a rien à voir avec Ted, mais ce qui est intéressant, parce que c'est pas pendant Ted, hein. C'est ouais, bien okay. 2001 ouais. Et la sortie de Ted, c'est bien avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux, donc le réalisateur de Ted et l'acteur de Ted, à l'époque, donc en 2001, ils ont failli en fait se faire tuer dans l'attentat. En fait, pour deux raisons. Mark Wahlberg, en fait, il avait réservé sa place dans un avion, mais il a décidé au dernier moment de se rendre à New York en voiture. Donc à la place de prendre l'avion, et c'était cet avion-là qui devait se crasher. Et aussi, le réalisateur, lui, il est arrivé avec 10 minutes de retard à l'aéroport, et il a évité, donc il n'a pas pu prendre son avion, et cet avion-là, c'était aussi un des avions qui est rentré dans les tours. Franchement, ce genre de choses m'arrive, je pense que je joue au loto le soir, mais... C'est quand même assez incroyable. Je ne sais pas si tu penses. Non, mais... oui, bon, oui, c'est vrai. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'événement en fait est mentionné dans le film. C'est pour ça que je parle de Ted aussi. Donc ils font d'accord. un petit clin d'œil. D'accord. Ouais. Ou ils font une allusion au septembre et ils font une allusion aussi à cet événement quand même assez incroyable. Mais ça, c'est incroyable et c'est un peu le destin aussi de la vie et des petites choses qui font que, on va dire, nos anges gardiens nous protègent, quoi, entre guillemets. C'était pas le moment. Mais c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et je pense aussi à François-Xavier de Maison. Si vous connaissez François-Xavier de Maison. De nom, l'acteur c'est... français, ouais. Le comique qui monte, qui est humoriste, comédien depuis maintenant 15-20 ans. Et à l'époque, il était financier dans une banque, si je me rappelle bien, ou trader, quelque chose comme ça. Et il travaillait donc à New York. Il avait vu donc l'attentat. Et à ce moment-là, pile à ce moment-là, quand il a vu l'attentat, déjà il était choqué. Il a décidé de changer de métier et d'aller vers son rêve, donc qui est la comédie, et de décider de monter sur scène. Donc il y a plein d'événements comme ça. En fait, un événement trop traumatisant fait changer quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. Même ceux qui ont vu ça à la télévision aussi. Ça a changé quand même aussi le regard sur les Anglais d'Amérique aussi. Ça a changé. On est d'accord. Petite anecdote. Alors ça, c'est énormissime. Sur Michael Keaton. Vous connaissez Michael Keaton, premier Batman, Beetlejuice, etc. Pourquoi je parle de Michael Keaton? Quelle est la particularité de cet acteur? Il a une particularité. Il ressemble au mec de Question pour un champion. Julien Le Perse. Déjà, mais vraiment une particularité. En fait, il y a quelque chose qu'on ne sait pas vraiment de lui et qui est en lien avec un autre acteur. Putain, j'arrive pas à parler ce soir. Putain, je bug. Avec un autre acteur. C'est-à-dire qu'il a un point commun avec un autre acteur. Un autre acteur. Est-ce que vous essayez de deviner ou pas? C'est par rapport à son nom. Michael Keaton. Il a le même nom que... Qu'un autre acteur? En fait, il s'appelle pas Michael Keaton. Comment s'appelle-t-il? Michael Jackson. Non, mais on y est presque. Un autre acteur très connu. Qui s'appelle Michael Douglas. Ouais, exactement. Il s'appelle Michael Douglas. Et en fait, comme c'est un homonyme. Quand il a dû s'inscrire. Exactement, pour Beetlejuice et puis pour d'autres films, bien sûr. Et ben, il a donné un autre nom, Michael Keaton, en référence à Diane Keaton, qu'il aime beaucoup, l'actrice Diane Keaton. Ah, c'est quand même assez incroyable. Et moi, je savais pas du tout qu'il avait le même nom que Michael Douglas, en fait. Bah, ça me fait penser un peu à Emma Stone. C'est pas son vrai prénom, elle s'appelle Emily normalement. Oui. Et il me semble, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que justement quand elle a voulu s'inscrire à la Fédération des acteurs, il y avait déjà une Emily Stone, et du coup elle a été obligée de changer de prénom. Emma Stone, du coup, ouais. Ok, c'est intéressant à savoir. Ouais. Okay. My Movie Project, est-ce que tu connais ce film, Tommy? Oui. C'est un film un peu polémique, je sais pas si tu connais, Camille. Je pense pas qu'elle veut voir ça, c'est avec Hugh Jackman, ouais, Chris Pratt. Gros casting énorme. Gros casting, et le principe, c'est plein de sketch en fait, qui se passent en même temps ou pas, ou c'est chacun affilé? C'est séparé, je crois, il me semble. C'est séparé. Il y a plein de sketchs en fait humoristiques assez trash en fait. C'est le principe, c'est trash. Le genre d'humour que tu n'aimes pas, c'est trop loin. Genre Hugh Jackman avec une paire de couilles ici. Tu vois. Ouais. Ah oui, d'accord. Par exemple. Mais ce tournage, il a une particularité. Pourquoi? Tout a été tourné séparément. Non, par rapport au budget. Il n'a pas coûté beaucoup. Parce qu'ils ont filmé avec un portable. Non, tout on s'approche. Ils ont fait un crowdfunding, un truc comme ça? Non plus. Ils ont filmé, mais on s'approche aussi. Ils ont filmé avec une caméra à la main. Non plus. Non, parce que c'est bien filmé quand même. Les acteurs ont payé de leur poche le tournage? On y est presque, c'est pas ça, mais on y est presque. Ils n'ont pas été payés. Ils ont fait ça bénévolement. C'est intéressant à savoir. Il y avait que 5 millions de dollars de budget et tous les acteurs et les actrices ont accepté de jouer gratuitement. Et beaucoup ont regretté. Ah oui. Hugh Jackman, qui pour lui c'est son pire film. Ah oui, il a une paire de couilles, c'est normal. On passe à Toy Story. Alors Toy Story c'était le premier film, alors petite anecdote là, c'est pas à deviner, mais c'était le premier film donc en animation 3D de cette manière là, je veux dire, et ça a été c'est un film qui a changé la manière de créer des films d'animation. Donc c'est grâce à eux qu'on a des films maintenant quasiment tous en 3D, avec une utilisation aussi belle. Et puis en même temps, c'est très clivant. Il y en a qui préfèrent le dessin, il y en a qui préfèrent une autre technique. Toy Story, moi j'ai toujours kiffé. Quand bien sûr. Bien l'histoire, c'était complètement ce que moi j'imaginais de mes jouets. Donc il y a Woody et il y a aussi Buzz l'éclair. Exactement. Et pourquoi il s'appelle Buzz l'éclair? Est-ce que vous savez? Buzz Lightning, parce qu'il fait de la lumière dans le noir normalement. Non. Parce que c'est ce qu'ils disent. Non. Est-ce qu'un des créateurs avait son chien qui s'appelait Buzz? Non. C'est un rapport avec le style du personnage. Ce qui. Surtout Buzz, ce qui est important, c'est Buzz. Pourquoi Buzz? C'est un astronaute. Parce qu'on dirait un Buzz? Oui. Un des astronautes qui. Qui est allé sur la Lune? Oui. Buzz Aldrin, en fait. C'est en référence à Buzz Aldrin qui est allé sur la Lune. Donc voilà, donc petit clin d'œil de Toy Story. Ça, j'avoue, j'ai jamais fait gaffe. Alors là, celui-là, je vais vous faire deviner, mais si vous savez pas, voilà, il faut vraiment connaître. Dans Inception de Christopher Nolan, si on assemble tout à l'envers, les initiales, si on assemble les initiales de tous les personnages, ça crée un mot. Quel mot? Inception. Non. Imagination, un truc du genre. Non, on y est presque. Ça parle de quoi, Inception? Rêve. Rêve. Exactement. Et en fait, ça fait le mot dreams. Mais c'est génial. Ce film est extraordinaire. Déjà, il y a des clins d'œil, bien sûr, avec l'Alliance, on connaît bien. Il y a tout. Il y a même aussi un des personnages joué par Ellen Page, qui s'appelle, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est en référence à une divinité mythologique par rapport au fil Ariane, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça. Il y a une référence à Ariane, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et avec le fil d'Ariane, voilà, pour ne pas se perdre dans le labyrinthe. Donc tu vois, déjà, il y a plein de références comme ça. Je trouve que c'est un film incroyable. On parle de Marion Cotillard là-dedans, je joue bien. Ah oui, elle est extraordinaire. Mais tous les acteurs jouent bien dans ce film. Oui, là-dedans, ce film-là. Mais ça, c'est marrant, c'est un film choral et chacun a vraiment son importance. Tu sens ou pas? On n'a pas mis quelqu'un pour faire comme si. Je pense que mon perso préféré, c'est. Et tout le monde n'était pas connu à l'époque. Joseph Gordon-Levitt, c'était pas. Mes deux préférés, c'est les deux qui n'étaient pas trop connus. Joseph Gordon-Levitt, non, il a joué dans 500 jours. Jours ensemble. Ah, c'était ouais, mais d'un point de vue international, ils n'étaient pas encore connus. Moi, je le connaissais déjà avant. Ok. Mais du coup, les deux, voilà. Et aussi visuellement avec des effets d'apesanteur, etc. Encore aujourd'hui, c'est eux qui ont créé ce genre d'effet avec les immeubles qui se plient et tout dans Doctor Strange. Ouais, ils le font, ouais. Tu vois du Inception. Mais encore aujourd'hui, il est beau le film. Enfin, j'ai revu des extraits longtemps, je vois, il est toujours beau. Hein. Est-ce que vous vous souvenez de Titanic de James Cameron? Oui, quelqu'un, vous l'avez vu ou pas? Moi, je l'ai jamais vu en entier, je trouve. C'est bizarre, c'est moi qui l'ai vu, celle qui est plus. Et nul à mourir, mais oui. Je peux faire une petite anecdote pour que je l'ai vu. Je dis juste la chose et après je te laisse dire ton anecdote. Il y a une scène dans le film qui est très connue où c'est DiCaprio qui dessine Kate Winslet sur un tableau. C'est pas lui qui dessine, ouais. C'est pas lui qui dessine, mais qui dessine? Quelqu'un de très connu. C'est les mains de quelqu'un de très connu. James Cameron? Oui, bonne réponse. C'est le réalisateur lui-même qui dessine, vraiment, il sait dessiner. Et c'est lui qui. C'est ses mains. Mais je trouve ça génial. J'aime bien les petits trucs comme ça. Ton anecdote, dis-moi. Petite anecdote. J'ai regardé Titanic entier, parce que j'étais petit, ma soeur m'a dit: regarde-le avec moi. Je dis: non, c'est nul. Ça dure 3 heures, non? Ouais, un truc du genre. Non, c'est nul, c'est un truc de fille. Et elle m'a dit: mais si, regarde, à la fin, ils sont tous bouffés par des orques. Voilà, j'ai regardé le film pour ça. Et à la fin du film, j'ai regardé ma soeur, je fais: mais sont où les orques? Elle a rigolé. Tu t'es fait un peu de... Oui. Moi j'ai jamais regardé ce film en entier parce que un bateau qui met autant de temps à couler à un moment, stop. Enfin, c'est beaucoup trop long, c'est nul. Désolée, moi j'aime pas Titanic. C'est le cliché mode mais t'es une fille, faut aimer Titanic et tout. Mais alors, côté romantique en fait, qui est un peu cliché. Non, mais après, c'est un film que je n'ai pas vu en entier. J'ai toujours vu des morceaux, mais j'aimerais bien faire l'expérience un jour. Ouais, bon, après, c'est peut-être parce que je l'ai regardé avec mon meilleur ami qui bécotait sa copine. Oui, c'est un peu. Voilà. C'est pas nul, c'est pas ouf. C'est un film 10 sur 20, quoi. Enfin, ok. Mais juste aussi pour parler un peu de ce film-là, il était ressorti en 3D, vous vous souvenez ou pas? Et ça avait bien marché. Hein. Après Avatar, du coup, non? C'était à la mode du 3D. Il y avait Star Wars 3D, il y avait Titanic 3D qui était ressorti. Moi j'aime pas la 3D. Ouais, moi non plus. Le cinéma, là même quand on dit film aujourd'hui, sort en 3D, je vais pas voir le film. Il a fait quand même un gros travail par rapport à ça. Il a vraiment retravaillé le film par rapport à cette 3D. Moi déjà en fait là, il faut que j'aille voir. C'était plus pour les fans. Mes yeux ils sont fragiles parce que je joue beaucoup sur ordi, écran, tout ça et tout. La 3D ça me baisse les yeux, ça me donne mal au crâne. Et attends, moi j'aimais bien la 3D de Spy Kids. Mais alors la 3D. Spy Kids 3D. J'adorais ça, je regardais ça dans mon salon avec les petites lunettes. Bleu et rouge là. Et moi j'adorais ça parce que ça sortait de l'écran. Que maintenant. Il y avait Arthur et Minimoys qui ont fait ça aussi. Ouais. Maintenant c'est plus. Voilà, il y a tout qui sort de l'écran. Il n'y a pas trop de relief. Le souci avec le film 3D, c'est qu'il faut que le film soit rentable en 2D et en 3D. Donc si tu fais trop 3D, quand on va voir le film, ça va se sentir. On va faire bon, c'est un peu cheap. Et quand le film, tu vas le voir en 3D, tu vas dire, il n'y a pas assez d'effets spéciaux. C'est vrai que ça l'a fait pour Destination Final 4. C'était un peu le début du 3D. Ils ont c'est pas 5, non ? C'est le cas. 5, 4, ok. Ils ont essayé de mettre trop de 3D, et je l'ai vu pas en 3D, c'était dégueulasse. Okay. Ouais, par exemple, Avatar, en 2D, il y a des zones floues, parce que c'est les arrière-plans de la 3D. Mais moi, je me rappelle, je l'avais vu en 3D, il y a pas grand... À part des effets, genre un caillou que tu prends dans la tête, la première scène où t'as un genre de bulle, où je sais plus ce que c'est, ça, c'est impressionnant, parce que c'est vrai que j'avais jamais vu un film en 3D, et moi, j'ai fait « Waouh, c'est génial, je kiffe !» Il y avait même, je sais pas si vous vous souvenez, mais des scènes d'introduction avant le film, avec un personnage en mode Happy Meal, un peu, tu sais, sort une langue et tout, j'étais en kiff total. Hein. La meilleure 3D que j'ai vue, c'était les pubs avant le film. Ouais, mais carrément. Le pire film que j'ai vu en 3D, parce que j'ai vu rien du tout de 3D, j'ai vu Toy Story 3 en 3D, j'ai pas vu de 3D dans le film. Dans la pub M&M's avant, il y avait du 3D. Ouais, ou Haribo, je sais plus quoi. Haribo. Il y avait des bonbons qui nous tombaient dessus. Et t'avais vraiment l'impression d'avoir des bonbons. Mais ça, c'était bien. Mais par contre, le film, zéro. J'ai rien vu en 3D dans tout le film. Mais c'est vrai que maintenant, même dans les films, il n'y a pas marqué 3D. Ils mettent ça en petit, tu sais, en mode « Oh, si ça vous intéresse, vous pouvez voir ça en 3D. » C'est vrai. C'est moi, complètement retombé. En général, ils font une séance par jour en 3D. Quoi. C'est vrai que moi, j'avais peur quand Avatar est sorti. Je me disais « Maintenant, tous les films vont être en 3D, il n'y aura plus rien en 2D. » Heureusement que c'est retombé. Ah non, que... Ouais. Il y avait même le Hobbit. Contre... Hein. Le Hobbit, ils avaient tenté en 3D. Normal. Moi, je préfère voir normal. Quelqu'un m'a dit qu'il a vu... Enfin, quelqu'un a vu Les Anneaux Fantastiques, je trouve encore cinéma. Il a vu en 4D. Et par contre, ce qui est pareil, c'est en 4D, ça doit être pas mal, parce que t'as aussi le siège qui bouge, t'as les sons dans le siège. C'est trop loin pour moi aussi. Mais un jour, je testerai bien. Je testerai aussi. Ouais. J'irai avec toi, Tommy, j'irai avec toi. Les trucs au Futuroscope, ce genre de choses, en 4D et tout, Ah ouais, Arthur et les Minimoys, il est bien au Futuroscope. Il y a aussi la visite de la région, où il y a de l'eau qui nous vient au visage et tout ça, c'est rigolo. Mais bon, c'est rigolo 10 minutes. Deux heures de film comme ça, je sais pas. C'est exactement avec la VR où ils essayent de faire des courts-métrages, des longs-métrages, mais ça va être compliqué aussi de tenir en fait. C'est peut-être c'est bizarre. Pareil, tu vois. Et comme la 4D, à un moment donné, si le film dure 2h30, t'es comme ça pendant 2h30, tu vas vomir tes tripes. J'adore les. Enfin, je joue beaucoup aux jeux vidéo et tout. Par contre, la VR, c'est trop loin pour moi. Moi, ça m'intéresse pas. Ouais, moi, ça fait mal aux yeux, quoi. Pour déconner, pour faire une expérience, tester une fois, mais je l'achèterai pas. Mais moi j'ai fait le mauvais truc, moi j'ai pas fait le bon truc, moi j'ai pris un truc de Microsoft ou je sais plus quoi, j'ai trouvé ça un peu bof. Maintenant il faut un escape game en VR. Carrément. Après j'avoue, ça peut être sympa, que j'avais testé à la Fnac le truc, bon bien sûr, le truc où tu vas sous l'eau, c'était beau. C'est vrai que t'es dans la cage, t'es sous l'eau, c'est super avec beau. Avec le requin et tout, non ? Mais ils ont enlevé le requin parce que ça faisait crier les gens dans la Fnac. Ah, c'est dommage. C'est trop dommage. Par contre, le moment avec les méduses, c'était super beau, j'avoue. Mais c'était en 3D ou c'était prise de vue ? C'était vraiment des vrais poissons ou c'était filmé ou... Non, je crois que c'était 3D, mais c'était super bien fait. C'était du coup, j'hésite, mais il me semble que c'était quand même 3D. Non, moi, j'avais testé un truc avec. Parce que sinon, ça veut dire qu'ils ont vraiment filmé un requin qui vient de bouffer la gueule. Quoi. Un truc de futuriste où tu fais du tir au pistolet en fait avec des vaisseaux. Ah, je vois, c'est quoi. Bon, c'est sympathique. Et un truc c'est de ski aussi. Alors, super mal fait. Mais c'était Microsoft. Ah, je sais pas. En tout cas, je veux pas faire de la mauvaise pub à Microsoft, mais en tout cas, j'aimerais bien tester PlayStation pour voir un peu si c'est un Moi, c'était PlayStation, c'était bien quand même. Bon, je vais même s'ils ont enlevé le requin, je peux te dire, j'avoue. J'étais en mode waouh, c'est. Ouais, moi je regarde Squeezie, souvent il joue au VR et moi je préfère regarder quelqu'un jouer. Ouais. C'est très rigolo de le voir jouer parce que voilà, mais moi jouer, t'as je sais un petit pas. Peu ou pas de jouer ? Ouais, dans la VR, d'être trop dedans. Moi, ce qui non, me fait... pas du tout. Bah, parce que je sais qu'il y a aussi des jeux de zombies, des jeux de ça, trucs qui te sautent dessus. Ça, je serais bien. Ça, je pense que s'il y a bien un jeu qui pourrait m'intéresser comme ça, moi, ça serait ça. Ah, mais je pense que ça moi, je me. Ouais, non. J'aimerais même mettre dans l'ambiance, parce que je me suis déjà fait plus ou moins à l'époque avant que la VR sorte et tout. J'avais joué à Resident Evil 4 que je connaissais un peu par cœur, mais avec le casque. Je crois que c'était le Marshall. J'avais mis le casque sur mes oreilles, dans le noir, j'étais en train de jouer au jeu, et je te jure, avec le casque, j'entendais des sons que j'avais jamais entendus. Genre, j'étais en mode, il est où lui, je l'entends et tout. Déjà, ça m'avait donné une bonne expérience du jeu. Je suis d'accord avec toi. Alors, je le connaissais par cœur, même en le connaissant par cœur, j'étais un peu en mode, putain, attends, qu'est-ce qui se passe ? Alors en VR, ce genre de jeu, j'avoue, c'est des trucs que je testerais bien. J'ai le dernier Resident Evil, vous vous souvenez aussi, j'ai pas testé en VR. Je sais pas, mais parce que quand on passe de voir un film à la télévision et voir un film à la télé mais avec son casque, déjà il y a un effet aussi quand ça, c'est la première fois, parce que maintenant après quand t'as l'habitude, bon, mais l'effet d'entendre les bruits de très loin, les petits bruits, tu sais, ça c'est impressionnant, c'est incroyable. Et ça, ça m'arrive aussi au cinéma. Que ce soit les films ou même les jeux, un jeu des fois tu mets les écouteurs, t'entendras même. Truc tout bête, quand je mettais mes écouteurs sur ma Game Boy Advance, j'entendais des sons dans Pokémon. Hein, c'est tout. Dans Pokémon, j'entendais des sons que j'avais jamais entendus. Non, mais ça, c'est ça fait plaisir aussi. Et il y a des salles de cinéma aussi où des moments, je me fais des peurs, mais je me fais avoir, où j'entends un truc et j'ai l'impression que vraiment que c'est derrière moi. Et ah, c'est dans le film. Ouais, ça m'arrive, ouais. Je trouve ça. Il y a des bruits de pas ou des c'est bien fait, c'est ça fait. Mais ça fait bien flipper quand même. Tu sais quoi, qu'est-ce qui se passe. Tu vois, en 4D, là, le film, comme m'a dit le monsieur, c'est ça. Tu vas voir un film en 4D, t'as vraiment l'impression qu'il y a des bruits derrière toi et tout. C'est... Ouais. Mais bon, ça, on verra comment ça va se goupiller. Mais pour moi, on va trop loin. J'ai une dernière. J'arrive pas à parler. Je suis désolé. Une dernière anecdote. Je vais super articuler pour que les mots sortent de ma bouche, les gens. Fast and Furious. Ah oui, hein. Tu parles d'un. Il y a un autre énorme sur l'épisode 1. Ah, quoi okay. Ah non, je épisode 1, Fast and Furious. Donc tu connais Fast and Furious, à peu près le concept. Oui, des gens qui conduisent des voitures. Waouh. Quelle est l'anecdote? À vous de trouver. Il y a eu un accident. Par rapport aux acteurs. Non, c'est par rapport aux acteurs. Il y a une particularité. Il y en a un qui n'avait pas son permis. Pas qu'un. Ils ont tous pas le permis. Il y en a deux qui n'avaient pas le permis. Bah, les Paul Walker et. Non, c'était Michel Rodriguez et Jordana Brewster. Désolé, mais ça m'étonne pas. Qui n'avaient pas le permis. Et pas même probatoire. Donc en fait. Je sais... C'était pas bon en vrai, non. Ouais, enfin... mais je crois qu'elles ne jouent pas dans le. Elles ne conduisent pas de voiture. À vérifier. Hein. Donc en fait, l'anecdote est un peu pourrave en fait quand j'y pense. Ouais, non, je veux dire, attends, mais elle conduit pas des voitures. Non, parce que c'est la copine de Paul Walker, tu parlais. Et ouais. Michel Rodriguez, c'est la copine de Vin Diesel. Non, je crois pas qu'elle conduise en premier. Il y a aussi une autre anecdote par rapport au permis de conduire où c'est dans Never Let Me Go avec Andrew Garfield et Keira Knightley. Et je crois qu'il y a Carey Mulligan. Ouais, et je crois que l'anecdote, c'est Carey Mulligan qui, dans une scène, doit conduire une voiture. Ok. Donc elle passe le permis pour la scène. Hein. Elle l'a pas. Donc ils sont obligés de privatiser une route. Pour que ça soit la seule voiture qui soit sur la route et qu'elle puisse conduire, en fait. Mais l'anecdote est énorme. C'est-à-dire qu'ils ont dû dépenser une certaine somme. Ils auraient pu lui faire passer le permis. Mais c'est ça. Mais ils l'ont fait, mais elle n'a pas réussi. Malheureusement pour elle. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris ça. Ah merde. Donc c'est ça qui est. Bon, petite anecdote de Never Let Me Go avec Andrew Garfield. Mais c'est pas un truc sur le clonage, c'est ça? Le clonage et les maladies. Ouais. Et... ça m'intéresse. Ça ressemble un petit peu à The Island avec Evan McGregor et Scarlett Johansson. Je vais me taper, j'ai jamais vu ce film. Ah, mais je te jure, regarde-le. Je crois ça que fait longtemps, concept. On le mettra sur la liste, mais ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Je vous conseille, mais c'est en un, vrai, le clonage, film qui on, plus à l'époque. C'est un truc qui reste assez vague. On sait dans pas trop de quoi ça parle. Dans en le film fait, ouais. Ah, c'est un peu tabou, quoi. C'est un peu discret, ouais, c'est subtil. On met du temps à comprendre. Moi, si c'est, en fait, c'est Cliffhanger. En fait, on vient de spoiler le film, non? Non. Mais il est beau comme film, mais il est triste, faut sortir les mouchoirs. Et moi, si tu me parles de clonage, par contre, je pense à un trop de films tristes. C'est sûrement un film d'enfance, oui. Tiens. Dis-moi. Je pense au. C'est avec Arnold Schwarzenegger, je crois que c'est Sixième Sens. Non, c'est avec Bruce Willis. Non. Sixième Sens, c'est avec Bruce Willis. Non, bah c'est pas le même film, alors comment il s'appelle? Ah, Total Recall? Non. Ah putain, je crois que c'était ça le nom, mais du coup, non, Sixième Sens. Mais je vois, c'est avec Schwarzenegger, t'es sûr? Schwarzenegger, il aurait un truc gris sur les yeux même. Ah, je sais pas comment il s'appelle. Oui, mais c'est pas grave, je vois. Mais tu vois, c'est quoi? Dis-moi, oui. Et du coup, bah moi, quand on parle de clonage, je pense à ce film-là qui était bien d'ailleurs pour l'époque. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ouais. C'est pas le Sixième Élément, un truc du genre. Non, c'est le Cinquième c'est... Élément. Mais... quand tu disais de il y a sixième quelque chose. Non, mais sur les films de notre enfance, il y avait un film avec Schwarzenegger qui s'appelait Le Cadeau, je crois. Oui. Où il doit faire des courses de Noël. Oui, non, c'est pas. Ah putain, ouais, je vois c'est quoi que tu parles. Mais c'est pas. Même ils cherchent le jouet là. Ouais, bah je crois que c'est le jouet le titre. Et en fait, il y a un jouet, en fait, c'est le voisin ou le beau-père ou je sais pas quoi, il a acheté un jouet. Et il se bat avec fils un renoi la même chose. Pour récupérer le... Exactement, donc il achète le jouet, donc il est super content. La course sauf jouet, qu'il non, perd le jouet, il doit aller le récupérer et puis il se passe plein de trucs. Mais le film était c'est super sympa. C'est pas la course au jouet, justement? Ouais, un truc comme ça avec un jouet, t'inquiète. C'est ça. La course au jouet, non, c'est ça. Je suis sûr que t'as. Donc c'est pas... La course au jouet, c'est la ça. Jouet. Et je regarde juste le. Ah, il y avait trop là, excuse-moi bien. Non, mais je regarde juste le nom de mon film sur le clonage et tout parce que ça me perturbait. Alors, on va juste faire une pause musicale. Et tu nous diras après, après par rapport pause, à ça. Et ensuite, on parle un peu de nos séries et films d'enfance, dis-moi. Je l'ai, donc j'étais pas loin. C'est à l'aube du Sixième Jour, c'est pour ça que j'ai le sixième. Oui, mais l'affiche était très connue. Ouais, voilà. L'affiche était connue. L'affiche était très connue. Merci Tommy. On se rejoint dans juste deux minutes, Tommy. A tout de suite. Yeah.

tormento arrivi tu e sento che nascondo dentro quello che non sai di me. On est reparti pour VGPM, on parle des films ou même des séries de notre enfance. Moi j'ai envie de parler, et je parlais ça en off, d'un film qui m'a marqué à vie parce que c'était tellement bien, tellement chouette. C'était un film qui mélangeait film live et film dessin animé. C'était le titre, je l'ai sur ma petite feuille, c'était Richard au pays des livres magiques, et c'était avec l'acteur qui jouait dans Maman j'ai raté l'avion. Ouais. Et le concept, c'était un enfant qui fait du vélo, il va à la bibliothèque, il va à la grande bibliothèque je crois, il va choper un bouquin, je crois qu'il fait un échange, etc. Et tout d'un coup en fait, il se passe un truc, c'est que les livres tombent. En fait, il y a une peinture en fait au plafond, et cette peinture en fait coule parce que comme il pleut dehors, il y a un petit effet aussi, un petit jeu entre les deux où il y a la peinture qui coule, et tout d'un coup il y a une grosse vague de peinture qui arrive vers lui. Donc c'est très poétique en fait ce film, et on rentre dans le monde un peu du dessin animé entre guillemets. Ça devient vraiment un dessin animé, et on joue avec tous les romans très connus, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et les autres je me rappelle plus du tout lesquels sont choisis, mais une transformation comme ça, un gros mélange. Et c'est un film magnifique, poétique, le doublage français est topissime, et donc ça je vous conseille, et c'est un film qui m'a marqué, et c'est vrai que c'est le genre de film en fait qui disparaît. C'est ça qui est dommage, c'est pas un film qu'on n'en parle vraiment pas, c'est quelque chose qui passe un peu inaperçu. Tu me l'as dit tout à l'heure, j'avais oublié ce film. Il y a les films qui marquent, comme Casper par exemple, je pense à celui-là. Jumanji, on en parle tout le temps, j'ai l'impression que cette émission c'est Jumanji, en fait, c'est, on peut l'appeler comme ça, c'est un jour, merci, si on a les droits. Mais ouais, non, vraiment il y a des choses vraiment intéressantes. Vous, c'est quoi vos films, vos fondamentaux quand vous étiez petit en fait, Tommy? Alors, bon, C'était quoi je le... sais qu'on en parle pas, je dis juste pas le nom Jumanji, mais j'en parle pas plus. Y'a pas que ça quand même. Voilà. Même si je suis sûr que tu l'as vu 15 fois. Plus que ça même. Ah oui, d'accord, ok. Ah mais je... Oui, parce qu'il nous a montré une photo, c'était l'année dernière, non? Où il avait acheté le coffret, où en fait c'était la boîte de jeux avec les DVD, etc. C'est cool. Bref, je ne parlerai pas de Jumanji que j'ai surfumé. Les Jurassic Park. Les Gremlins. Ouais. Après, il y a plein de films qu'on a dit tout à l'heure. Les Gremlins, j'ai l'impression que c'est pas vraiment notre époque. Je sais pas si tu vois. Je crois que c'est un petit peu plus vieux. Ouais, c'est revenu après. C'était mon frère et ma sœur, mais du coup, bah. Ouais. Bah, ils m'ont refilé, enfin, ils m'ont fait regarder parce que c'était mon frère et ma sœur. Gremlins. Tu l'avais vu, Camille, Gremlins? Ah, ouais, ouais, il y avait un et deux, tu te rappelles? Ouais, le un, c'était. Petit, c'est. Ouais. N'empêche, c'est flippant quand les œufs éclosent et tout. Tu fais. Et c'est pour ça que le 2, c'était plus comique en fait. Plus comique, c'était plus parodie. Faut qu'on le regarde, mais il est. Je crois que c'est dans un truc de. Bah, ils vont en ville en fait. Parce que je crois que c'est une petite ville de campagne au début. Et là, c'est la ville, ouais. Et dans le 2, c'est la ville avec monde du commerce, business, tout ça. Donc je crois que c'est vraiment intéressant. Et franchement, Gremlins, c'est devenu une marque. Et puis et en fait, comme après, c'est devenu anecdote, des peluches, tout ça aussi. Ouais, moi, j'avais un Furbies quand j'étais petite. La petite anecdote, c'est qu'ils sont en train de préparer un 3. Je sais pas si c'est un remake ou le 3, mais c'est en préparation. En clair, ils vont faire un nouvel opus. Ils vont faire un nouvel opus. Ok, c'est intéressant. Et à la même époque, il y avait aussi un truc, alors je sais pas si tu te rappelles, c'était Small Soldiers. Oui, bien sûr. C'était bah oui. Énorme. Et c'était un peu violent quand même pour les enfants. Ouais, avec les jouets quand même. Le principe, ouais, pas bien, hein. C'est un créateur de jouets, il met une puce en fait. Intelligence artificielle. Il se pétait les bras et les jambes et tout. Et le concept, c'est qu'il met en fait deux familles de jouets face à face. En fait, il y a les soldats qui doivent en fait assassiner entre guillemets, tuer les animaux. En fait, ouais, c'est des genres de des... mi-animaux de la nature. Donc en clair, la guerre contre la nature. Et le petit, et en plus, il m'a dit quelque chose. Je crois que je l'ai vu dans d'autres films, le petit. Alors, je crois que le petit. Il est dans Patriot déjà. Je viens de le voir. T'es là. Sûr ? Est-ce que le petit, ce serait pas le gamin de. De Hunger Games, le frère de comment il s'appelle, c'est pas le frère, le frère de Chris, le brun, le mec terrible. Non, c'est pas lui. Non, non, pas du par tout. Par contre, il me semble que c'est un des fils de Mel Gibson dans Patriot. Ah ouais, d'accord, je suis quasi sûr. Ok, donc et j'ai vu dans autre chose, mais là tout de suite ça me revient pas. Mais on regardera tout à l'heure, ouais. Ok, non, mais ça c'est un film par exemple qui marque parce que c'est rediffusé. C'est vrai que c'était rediffusé quand qui marque, mais je l'avais oublié là, tu me le rappelais. Ouais. Parce que effectivement, il y avait un petit côté aussi quand c'est un petit peu violent, tu sais, tu te souviens encore plus parce que t'as eu peur, parce que t'étais pas bien, tu sais, et tu sais que t'as le droit sans vraiment avoir le droit. Et à l'époque, en même temps, je sais pas, dans les années 2000, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait l'importance, en tout cas en France, je sais pas si t'étais encore, si t'étais déjà là ou pas. Non, Camille, moi j'étais là tout de suite. L'importance du sigle, -10, -12. Maintenant tout le monde s'en fout, mais à l'époque c'était quand même super important. T'écoutais et tout avant, c'était et tes parents ils faisaient vraiment non là c'est moins 12, tu rentres. Enfin, tu pas tous les parents, parce que moi aussi dans mes films d'enfance. Moi mes parents ils m'envoyaient dans ma chambre. Ah ouais, ouais. Moi dans mes films d'enfance il y a aussi Blade, Starship Troopers, qui étaient quand même des films assez violents quand t'as 5-6 ans. Blade qui est quand même assez particulier quand même. C'est vampire, il tue les vampires et tout, il y a du sang quand même. Et on n'était pas au courant, moi en tout cas quand j'étais gamin, j'étais pas au courant que c'était un entre guillemets super héros. Ouais, ça par contre je savais pas. Moi je l'ai su en regardant Spider-Man, j'avais déjà vu le film Blade, et un jour je regarde Spider-Man, donc l'ancienne série, le 98 ou je sais plus quoi, et là je vois Blade dans un épisode, je fais ah, avec Morbius qu'on a parlé la semaine dernière. Et tu comprends après qu'il fait partie du coup, tu comprends, et j'ai fait waouh, après je l'ai su bien sûr, mais c'est vrai que sur le coup on sait pas. Et à l'époque il y avait Wesley Snipes en superstar, parce qu'à l'époque, il faisait plein de films à ce moment-là. Hein. Mais en fait, Wesley Snipes, c'était un peu le Stallone, pas le Stallone, mais il était dans la même catégorie. Mais là, il jouait dans plein de films, et même encore maintenant, parce qu'il fait dans beaucoup de direct ou DVD, un peu de téléfilms. Mais quand même, il est assez. Il a fait plein de trucs. Hein. Il a pas fait que de la. Il a fait des trucs super. Avec Spike Lee aussi. Il y a des films comme ça, beaucoup plus. Voilà, il a fait des trucs blockbusters et des trucs un peu plus sociaux. Franchement, non, c'est un acteur intéressant. Moi, j'aimais bien. Et dans Dailymotion Man aussi, ça c'est un film Stallone. Là, d'accord. Pour expliquer à Camille, c'est Stallone qui doit arrêter un bandit. Et je sais plus pour quelle raison, mais il est congelé. Ils sont pas congelés tous les deux. Exactement. En fait, il y en a un qui est congelé et il veut se congeler parce qu'il sait que quand l'autre va être décongelé, il sera là pour l'arrêter. C'est juste un bon film, mon gars. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que comme on est dans une époque futuriste, il y a plein de petits trucs. C'est assez parodique, c'est assez marrant, mais ça se prend en sérieux et en même temps pas vraiment. Et c'est vraiment super cool, quoi, quand tu vois le film. Bon, après, il faut le prendre à la. C'est-à-dire qu'il faut. C'est un film des années 80. Donc il y a des trucs. Ça passe un peu moins bien. Mais quand même, il y a des trucs. Moi, j'ai adoré ce film. Après, film d'enfance, il y a beaucoup. Je vais pas citer les noms parce qu'il y en a plein. Ouais. La plupart des films de Jackie Chan. Ouais, moi je pensais le film avec Jackie Chan et Smoking, c'est un peu plus tard. Plus, j'arrive aussi. J'avais 15 ans sur Smoking, 12 ans. Rush Hour, le Bronx. Je sais pas comment c'est quoi le titre, mais le film avec Jackie Chan et l'acteur le blond là qui. Shanghai Kid. Shanghai Kid. J'adore. Je regardais ce film mais en boucle, j'adorais. C'était quoi le concept de Shanghai Kid? Moi je m'en souviens. Je sais que j'adorais. C'était des flics qui se faisaient passer pour un flic. Ouais. Juste me souviens du 2. J'imagine que comme Rush Hour a marché, ils ont voulu faire un truc encore dans le mais même Rush sens. Rush Hour, déjà, il y a un 4 qui arrive. Avec les mêmes acteurs ? Les mêmes acteurs, normalement. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Parce que moi, qui n'avais jamais vu Rush Hour quand j'avais allé 15 ans, tout ça, je l'ai vu à 18 ans. Je me suis fait la trilogie. Alors, à l'époque, je regardais pas, je crois à 17 ans, je regardais pas encore les films en VO. Je regardais en VF, la VF est bonne. La VO, tu. Et je te jure, mais tu découvres un truc. Tu fais, mais c'est quoi ce film ? Ça s'appelle Le Renoir, Christopher Lee, ou je sais pas, ou non, c'est pas Christopher Lee, c'est un acteur. Chris Tucker, sa VO, elle est bien. Sa VF aussi, mais sa VO est cool. Ouais, mais c'est. Ouais. Et en fait, il a une voix très aiguë dans la version originale, et qui est bonne aussi. C'est ça qui est trop bien quand il crie ou quand il rigole. Et après, je me suis aperçu que c'est le même gars dans Cinquième élément qui joue le. Oui. Rudy, le showman, je sais plus quoi, c'est je sais Rudy, plus son job. Ouais, un truc du genre. Carmen Ballas. Ah, mais le Cinquième élément, ça, c'est un demi-film d'enfance. Ouais, aussi, oui. Avec Mila Jovovich. J'étais amoureux de Mila Jovovich. En fait, moi, j'étais amoureux de toutes les rousses, pour vous dire, en fait, dans tous les films. Donc voilà. Mais Mila Jovovich, oh my god. Et la scène de fin où Bruce Willis, il est en là, c'est dans le tuyau, là, quand. Parce qu'elle naît dans un genre de tuyau, dans un genre de. Dans une sorte de coffret, cocon, là, ouais, cocon. Et après ils font l'amour donc à la fin donc ça fait la boucle est bouclée entre guillemets. Non mais c'est génial. Et dans ce film, et oui, Luc Besson. C'était un de ses bons films parce que pour le coup, Luc Besson, pour moi, il n'y a pas grand chose de vraiment bien. Ouais, t'es pas fan. On sait que dans cette émission, les gens sont pas fans de Luc Besson. On en entend beaucoup. Après, j'étais dans son école et tout. Non, je plaisante. Il a fait des bons trucs, mais c'est celui qui a le plus marqué en tout cas. Voilà, parce que pour moi, avec Léon, voilà. Et est-ce que vous vous souvenez aussi des dessins animés qui passaient comme ça, qui en fait qui n'ont pas fait des gros succès ou peut-être, mais plus dans un succès public. Je pensais à, alors j'ai pas le titre, mais à un truc où il y a des gamins qui vont dans un genre de labo château et tout d'un coup ils vont boire une fiole. Bah il y a un gamin qui boit une fiole, il devient un poisson. Et son grand frère, comme il sait qu'il est devenu un poisson grâce à la fiole, il va boire à la fiole pour aller le récupérer. Et je crois que ça s'appelle Plouf. Ouais, je crois, je vois c'est quoi. Et Plouf, tu m'as fait penser à un autre film de notre enfance là. Quoi donc? Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ah, oui, et les séries, la série. Ah, la série c'était cool, génial aussi. Sur France 3. Ce film, j'étais allée le voir à Disney Village, dans le cinéma qui était en 4D, je crois. Oh, j'étais toute petite et je sais que j'avais pleuré pendant tout le film parce que j'étais effrayée par le chien et parce que ça donnait vraiment l'impression que c'était en 3D ce film ou pas à l'époque. Je sais pas, mais apparemment. Tu parles du film entier ou dans Disney il y avait un truc. Le film en entier. J'avais passé une heure et demie à pleurer. Et je sais que ça avait embêté mes parents parce que un gamin qui pleure. Oui, ça embête. Mais c'est j'avais oublié, mais c'est un film. Il y a une attraction à Disney. Il y avait maintenant c'est plus. Ouais, non, c'est triste, ça a été trop. Moi j'ai kiffé. Je sais pas. C'est que le chien qui était tendu dessus, on se prenait avec de l'eau. Avec un serpent aussi, non ? Je crois il y avait aussi les rats qui étaient géants du enfin comparé à nous, du coup c'était des balais qui nous foutaient parce que j'avais regardé. C'était sympa. Regardé une fois en dessous, c'était des balais en fait, ils nous foutaient des balais. C'était un peu en 4D quoi. Mais c'était cool ça en fait parce que moi j'étais vraiment petit, j'étais genre 4 ans. Ça dure 2 minutes. Pour mes parents, ça a dû durer très longtemps parce qu'alors ils m'ont dit 1 heure et demie. Je pense que c'est celui-là parce que c'est pour ça que t'as pleuré parce qu'on voit vraiment le serpent qui nous attaque, le chien qui nous donne dessus, les rats qui ça bouge, ça. Je pense que j'ai mélangé parce que par contre devant le film en entier, je m'étais endormi. Mais je pense que c'est pour ça que qu'ils ont enlevé d'ailleurs cette attraction, c'est parce que beaucoup d'enfants devaient pleurer mais ou personne ne se souvient de la série ou c'est moi. Moi j'ai jamais vu. La série sur Rétrécir les gosses, si. Ah oui, mais la série, c'est comme génial. La série Sœur de Poule, c'est un peu été oublié. C'était un peu retour vers le futur en fait aussi parce que des moments il y avait des trucs ou de voyages dans. En fait, ils mélangeaient plein de trucs. Ouais, le principe c'est t'as un père qui est scientifique, il n'arrive pas à faire fonctionner ses machines et à chaque fois ça part dans tous les sens. C'était super bien, une série live en plus. Et moi une des séries de mon enfance du coup c'est Sliders. Je connais pas Sliders. Non, c'est quoi ça? En gros, il y avait un peu deux concurrents. Il y avait Stargate, voilà, il y a la porte des étoiles, ça et tout. Mais il y avait Sliders en fait. Stargate, attends, c'est un groupe. C'est en fait un jeune qui a inventé une télécommande qui emmène vers d'autres dimensions. Donc c'est à peu près les mêmes. Il y a les mêmes personnages et tout, mais c'est d'autres dimensions, genre ou d'autres époques. Et genre en fait, il a fait un portail. Donc il est rentré, je crois, avec une amie et un professeur. Et en fait, il y a un autre mec, un Renoir, qui est passé en voiture. Il y a le portail qui s'est mis là et il est rentré aussi avec eux. Sans le vouloir. Et en fait, c'est un groupe. Et en fait, ils n'arrivent pas à retourner dans leur dimension. On en avait parlé. Et à chaque épisode, en fait, c'est une autre dimension et tout. Et il se passe des trucs. Enfin, il se passe plein de trucs. Il y a un moment où ils sont. Je connais pas du tout. Dessin animé ou live ? C'est live. Bon, tu regardes aujourd'hui, ça sera un peu ouais, c'est un peu mal vieilli. Bah, c'est mal vieilli. Mais si tu regardes et que tu le mets au goût d'aujourd'hui, enfin et tu juges pas au goût de, avec aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, c'est une très bonne série. Là, je vais vous dire un nom. Vous allez faire. Oh, mais oui. À part peut-être Camille, le Caméléon. Ouais, mais moi, ça me saoulait un peu. Mais moi, j'étais un malade de Caméléon. Bah, dans ce cas, il y avait le Sentinelle aussi à cette époque-là. Ouais, mais non, mais Caméléon quand même. Ouais, moi, non. C'était génial, le concept simple. C'était un gamin qui était très intelligent. Surdoué, et en fait, ouais. Ils l'ont mis dans un genre d'internat où il faisait des expérimentations. Il a réussi à fuir. Et en fait, pour fuir, il change son identité à chaque fois. Et comme il a un talent, c'est qu'il est Caméléon. C'est-à-dire qu'il peut faire tous les métiers du monde. Parce qu'il a appris aussi à faire tous les métiers du monde. Donc il peut être urgentiste le lundi, pompier le mardi. C'était pas mal. Ouais. Mais c'est super ligne. Répétitif pour moi. Ouais, mais c'est génial. Parce qu'en plus, on découvre des métiers. Ça a l'air con, mais en même temps, on découvre les métiers. Ouais. Bon, après, c'est une série. Donc après, bon, c'est scénarisé. Mais c'était génial, je trouve. Le concept fonctionnait et le personnage avait vraiment une psychologie particulière. Il y a une autre série que j'aimais bien aussi. Dis-moi. Un peu oubliée comme ça. C'était, ouais. Je crois, Demain à la Une. Quand il voyait le journal, du lendemain, il se passait un truc. Genre une catastrophe, il essayait dans la journée de le. Ça te dit rien? Ça me dit rien du tout. Demain la Une. Demain la Une, je crois, c'était. C'était quoi ce truc? En fait, il recevait le journal du jour d'après. Et s'il voyait qu'il y avait un truc grave qui se passait, il essayait de le changer et tout. Okay. C'était une série pas mal du tout. Dis-moi, Camille, à Tahiti, qu'est-ce que tu regardais? Qu'est-ce qu'il y avait à Tahiti? Dans ton enfance. En film ou en dessin animé? Les deux, série. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, en tout cas? Alors, moi, en film, en fait, merci papa, mais il m'a montré tous les films que lui aimait. Donc, genre Star Wars, Matrix, Indiana Jones. Alors bien sûr, il m'envoyait dans ma chambre quand j'avais moins de 12 ans, mais il m'a montré le Dracula de Francis Ford Coppola quand j'avais genre 9 ans. Et j'en ai fait des cauchemars de Dracula qui me montaient au plafond. Enfin voilà, c'était horrible. Ghost avec... Patrick Swayze. Ouais. Oh, ça va. Oui, non, celui-là, ça va. Mais c'est un de mes films d'enfance, voilà. Puis tous les films Fame, Flashdance, Dirty Dancing. Ça dansait, ça chantait alors à la maison. C'est pour ça que voilà, Grease. Oui. Il y a peut-être un lien de voilà, peut-être bien, par rapport et à ce que fait madame. Bah, moi, Spy Kids, c'était un de mes films. C'est vrai. Robert Rodriguez, Le premier, j'adorais. Avec Antonio Banderas. Et par contre, à la télé, nous, donc, on avait Yaorana Kids. Donc, c'était genre, bah, je sais pas, votre truc, les zouzous là. Ok, l'émission. Voilà, et donc on avait Yu-Gi-Oh!, Chin-Chan. Chin-chan, moi je me souviens plus Chin-chan, du tout, c'est quoi Chin-chan? C'était un petit bonhomme qui montrait tout le temps ses fesses. Ouais, mais nous on l'avait pas. Ah ouais, non, c'est pas nous. Nous on l'avait pas. Avait Détective Conan. Ah, c'est comme Ségolène Royal qui a fait fermer le club Dorothée. C'était trop violent, Dragon Ball. Comme moi, t'espérais qu'il allait redevenir grand pour embrasser sa copine. Parce qu'on moi j'étais amoureuse de lui, moi. De la version grande. Ouais, de la version grande. Puis j'avais Sakura. C'est quoi, c'était cool ça? Card Captor. C'était génial, c'est cool. Martin Matin aussi. Non, Martin vous avez eu attends, ils ont eu Martin Matin à Tahiti. Ouais. C'est génial. Sur Tempo. C'est trop cool. Pourtant, Martin Matin, ça fait très français. Non, mais c'est vrai, hein, ça fait très. Je veux dire, ça fait très. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On avait Titeuf. À parler de Martin, je préfère Martin Mystère quand même. Oui, Martin Mystère. Titeuf. T'aimais pas ou t'avais pas? J'avais pas. Parce que t'avais dit, j'aimais pas. Il y avait Martin le bus Mystère, magique aussi. Ah, le bus magique, j'ai l'impression que c'était plus vieux. Mais c'est revenu, tu vois, c'est complètement comme ça. Les mystérieuses cités d'or, parce que c'est une mystérieuse cité d'or. Et il y avait aussi, comment elle s'appelait, la petite là qui faisait tout le temps des bêtises, Sophie, les malheurs de Sophie. Ah, malheurs de Sophie. Malheurs de Sophie. M'énervé. Un épisode avec un loup, j'espérais qu'un chien bouffé par le loup. J'avais lu le livre et tout, j'aimais bien quand j'étais petite. Non, c'est vrai que les malheurs. Ah oui. Un autre dessin animé aussi quand j'étais gosse. Tom Sawyer. J'avais pas fini. Jackie Chan, le dessin animé. Ah oui. Ah oui. C'était trop bien ça. Avec le, il y avait le gosse et il y avait la petite. La petite, ouais. Ah, c'était génial. Il y avait le gosse avec El Toro. Et les talismans. J'en ai quelques-uns à la maison. Ah ouais, c'était. Il y avait les talismans et tout, c'était trop bien. Alors, juste, est-ce qu'il y a une fin à toutes ces séries? Je sais pas. Aucune idée. Mais en fait, je sais qu'il y a la première saison. C'est des séries sans fin. Il y a la première saison, il y a le méchant, c'est le dragon dans le mur là qui essaie de sortir en ayant les talismans. Ouais. Avec le mec qui est son homme de main en vert là, cravate jaune. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Valmont, je crois, un truc du genre. Ouais. Ça, c'est, on va dire saison 1, même si c'est en plusieurs saisons, mais c'est l'arc 1. Et après, il y a un autre arc où il y a une espèce de petit vieux. Il a une bouche dans sa main où il absorbe les talismans, il a des pouvoirs, ça c'est un peu l'arc 2 et je me suis arrêté vers ça en fait. J'ai regardé un peu ça et je me suis arrêté, donc je sais pas si après ça s'arrête ou ça finit ou qu'est-ce qu'il y a. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y avait vraiment des scénarios qui se suivaient ou pas, dépendaient, mais il y avait des trucs super cool quoi. Encore une fois, c'était je le dis à plusieurs émissions, Maintenant, on débilise les enfants. Il n'y a plus de scénario comme ça. On parlait de la maison de Mickey. Bon, t'aimes pas, mais, mais bon, c'est pas mal. Hein, moi, je trouve que quand même. Des dessins animés avec des scénarios comme ça, comme Avatar, comme Jackie Chan. Il y a des trucs quand même, parce que je vois des moments là. J'ai mon petit cousin, il était passé à la maison il n'y a pas longtemps. Et on s'est regardé des dessins de Gulli. Il y a des trucs. Alors, ce qui est dingue, quand t'as mon âge, 23 ans, et que tu commences à regarder Gulli avec ton cousin, tu te dis, mais. Ah, ça a bien changé quand même les dessins animés. Tu fais putain, je connais pas un seul dessin animé. Ah oui, c'est sûr. Bah, et t'es là, tu fais ah ouais, d'accord. Donc t'as un mec qui fait des courses avec un pseudo cheval voiture. T'as un autre gars. Non, si, je te jure. T'as un autre gars avec des personnages un peu psychopathes qui vont faire chier tout le monde. Je sais pas, il y a des dessins animés un peu bizarres. Mais en même temps, c'était un peu la même chose que nous. Nous, ouais, on a eu Code Lyoko. C'était génial quand Moi, j'aime pas trop Code Lyoko. On ira, on saura sauver notre existence. Non, moi, j'aime pas. Déjà, j'ai un pote qui nous met tout le temps le générique. J'avais le single, les chants. Pokémon, bien sûr, j'avoue, on a même pas dit Pokémon. Pokémon, attrapez-les tous. Moi, j'avais la cassette, et genre, mais je l'ai bousillée, cette cassette. D'ailleurs, Pokémon, film autant que des animés. Le film, le premier. C'était les cassettes qu'on achetait dans les marchands de journaux. Parce qu'il y avait les cassettes qu'on a achetées dans les marchands de journaux. T'as eu avec la carte Pikachu Surfer. Ouais, je l'ai eu aussi. Il y avait les marchands de journaux qui offraient donc des trucs cassettes. Je sais même pas pourquoi c'est eux qui vendaient ça, parce qu'on pouvait acheter ça. J'imagine au Carrefour. Mais j'ai eu le film le 1 et le 2. Le 2, je l'ai eu parce que mon frère et ma soeur allaient à la piscine et qu'ils voulaient pas de moi. Je ne voulais pas du petit dans les pattes. J'ai pleuré, ma mère m'a offert Pokémon 2 en cassette. Il y avait des films aussi, Pokémon le film. Oui, parce que j'ai offert le 2, la cassette du film. Ah, les films. Moi, je te parle de la série. Il y avait aussi les gaufrets série. Oui, bien sûr. Moi, j'avais la cassette avec les premiers épisodes. Ça commençait toujours en mode Sacha, Ondine et Pierre. Et le rap Pokémon à la fin. Pikachu, Melovin. Quand il enchaîne, c'était trop bien. Mais t'avais jamais le temps de le faire. C'était trop rapide. Ok, Topika, allez. Ouais, et puis il y avait comment s'appellent les méchants là dans Pokémon? La Team Rocket. La Team Rocket s'en va vers d'autres cieux. C'était trop cool. Mais moi j'ai revu les films, je crois les deux premiers. Ça fait plaisir, il y a un côté nostalgique. Ouais, bah, même si des moments, temps en temps, c'est peut-être pas. Moi ce que je trouve bien dans les films, que dans les dessins animés. Ce qui m'a saoulé dans les dessins animés au bout d'un moment, c'est la Team Rocket qui perd tout le temps et ils sont trop là. Des fois, les enlever de temps en temps, ça ferait du bien. Ouais. Je trouve qu'ils sont chiants des fois. T'es au courant qu'il y a un épisode polémique comme quoi ils ont censuré parce que je crois que les deux personnages voulaient changer pas de sexe, mais il y a un jeu comme ça visuel où les Japonais faisaient une blague où il y avait le personnage masculin qui avait des seins. Il y a un déguisement, et le truc a fait polémique et les Américains parce que alors ce qu'il faut savoir juste petite anecdote, mais avec Pokémon et Yu-Gi-Oh et même d'autres séries, c'est 4Kids qui a racheté les droits pour les produire donc chez nous et chez eux. Donc en Amérique et en Europe. Et en fait, ils censurent. C'est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, ils changent les dialogues. Ils changent même le dessin. C'est-à-dire que quand il y aura un short trop court, parce qu'on connaît les Japonais, hein, ils aiment beaucoup le décolleté, les shorts, mais ça, ils enlèvent, tu sais. Tu vois ce que je veux dire ? Pas, ils enlèvent pas la scène, en plus, ils redessinent par-dessus. C'est quand même assez incroyable, je trouve. Mais en même temps, bon, c'est comme ça, c'est des cultures différentes. Hein, on peut comprendre aussi. Ça veut dire, parce que j'aime pas Team Rocket. Ouais. Et dans les films, ils ont un autre regard à Team Rocket. Souvent, bah dans les deux premiers, il me semble. Le premier, je me souviens. Si, dans le premier aussi, il les aide. En fait, il y a toujours un moment dans les films où la Team Rocket aide finalement Sacha et tout, et ils s'entraident. Ça, j'aime bien dans les films. Surtout dans le 2, je crois qu'ils sauvent la mise, hein, la Team Rocket, à la fin du 2. Mais c'est quoi, par exemple, là, si vous devez donner un titre, je sais pas, de série ou de film, et un titre où vous dites, ah, tiens, si j'ai envie de le regarder maintenant, je pourrais. Et un peu tout ce qu'on a dit, moi je pourrais regarder maintenant. Encore mais... Tu peux. Tout quasiment tout ce qu'on dit. Non, mais est-ce qu'il y a des trucs qui se regardent plus, hein, quand moi, même. Moi, Slider, j'ai envie de me les retaper, ça fait très longtemps que j'y pense. Et faut juste genre que Martin Mystère, t'es chaud pour Martin Mystère, je serais chaud de les refaire. Et tout, franchement, et Jackie Chan aussi, je serais super chaud de les refaire tout ça. Ok, et toi, Camille? Harry Potter. Harry Potter Mais bon, ça, mais plus dessin animé, par exemple, ce serait quoi? Genre je sais pas, Jackie Chan, Martin. Bah, là, il y a un film auquel je pense, mais je sais pas, je l'ai pas revu, donc je sais pas ce que ça donnerait. Mais L'Apprentie Sorcière, c'était un film mi-dessin animé, mi-live action de Disney. Il y avait genre un lion, il y avait un lit avec... quand ils enlevaient la boule comme ça du lit, le lit s'envolait, il partait dans un monde et tout. Et je sais que j'adorais ce film. Genre, je le regardais en boucle. Tu sais, comme quand on est gosse et qu'on regarde un film 20 fois d'affilée. C'était dans le même délire que Elliot le Dragon, avec aussi des personnages live et des animés. Disney, c'était le Marie Poppins. C'est un peu dans le même style que Marie Poppins, il y avait des chansons et tout... Ouais, non, bah, on n'a pas parlé, mais parce que c'est évident, en Disney, on aurait tellement dit que... Pinocchio, Bernard et Bianca, on peut le faire Roi Lion. Ouais, exactement. D'ailleurs, je plaide coupable, la semaine dernière, je crois, Mary Poppins, c'était la première fois que je le voyais. Enfin, j'avais dû voir des morceaux à Noël, tout ça et tout, c'est la première fois que je le regardais entier. Et, ouais. Bientôt et le retour de Marie. C'est pour ça bientôt. Qu'on a regardé. C'est pour aller voir le Est-ce que ça vous dit, on se refait. Non, on se fait pas de pause, mais on enchaîne tout de suite avec le petit blind test. Je vous mets des petites musiques, on en passe 10-15, comme ça, ça nous fait plaisir. Mm-hmm. Et comme ça, après, on se quitte. Allez. En musique. Ouais. Avec, donc je disais, les dessins animés séries de notre enfance. Bon, Camille, si c'est pas passé à Tahiti, j'en suis désolé. Mais il y a des trucs que tu vas connaître, tu vas reconnaître. Il y a des trucs, c'est tellement connu qu'on entend partout, même dans les trucs, des références, etc. J'espère. En soirée, quand on fait des blind tests comme ça, je trouve rien. S'il te plaît, ne mets pas Code Lyoko. On ira, on se sonnera. J'en ai marre, j'ai un pote, il nous le met à tous les coups. Big up, Nathan. Alors, j'ai mon micro. Dis-moi, est-ce que tu peux me passer ma petite feuille, s'il te plaît, mon petit... ouais, s'il te plaît. Alors, donc... les réponses. Non, il n'y a pas les réponses parce que... En fait, j'ai trouvé une playlist où il y a vraiment tout ce qu'il nous faut. Il faut juste que je la rechope, les gens. Ok. Donc déjà, la base, les gens. La base. On est parti. 0-0, Camille contre Tommy. Attention, c'est parti. Le 16e siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du nouveau monde. Esteban, la Cité d'Or. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves. Non, je te donne des mystérieuses Cités d'Or, ouais. Oui, voilà. Mais je vous mets parce que là, il y a le petit. Qui n'a jamais rêvé. Oh là là. Et moi, je me souviens, je regardais juste le générique aussi. Il y a des dessins animés comme ça, on regarde que le générique. C'est vrai que je me souviens du générique, mais je vois plus ce qui se passe dans les épisodes. Alors, si je me rappelle bien, il y a un trésor caché. En fait, c'est le même truc que Eldorado, en fait, c'est le principe, hein, je crois. C'est les Incas avec le trésor caché. Ouais, les extraterrestres, il y a des extraterrestres. Le truc ah, je ne savais même pas. Il fallait aller jusqu'au bout pour savoir ça. Qu'est-ce que c'était bien, ça. Qu'est-ce que c'était bien. Attention, deuxième. Alors, celui-là aussi, c'était dans Midi les Zouzous. Souvent, en fait, ce que j'aime bien dans Midi les Zouzous, on t'explique un peu. Donc, mm-hmm. Le principe, c'est Midi les Zouzous. En fait, c'était un dessin animé en 3D avec des personnages un peu en forme géométrique. Qui parle de trucs de famille, etc. Et le dessin animé arrivait à la fin. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'était très croissant par rapport à l'âge. C'est-à-dire que les premiers dessins animés, c'était pour les enfants vraiment petits. Et plus on allait, plus on allait jusqu'au bout, et plus c'était pour les plus grands, 12, 14, maximum 14 c'était ans. C'était cool, ça. Et il y avait celui-ci vers la fin. Lui, c'était le dernier ou l'avant-dernier. Tom Sawyer. C'était énorme. Attiré. Et ça, par exemple, ça, je pense, c'est plus dessins animés quand même, encore plus vieux, qu'on rediffusé en fait. Sur... L'américain. Alors, celui-là aussi. Celui-là, je me rappelle plus du tout, hein. Attention. Je me rappelle plus du générique. Mais alors, ça, c'est série mythique. Hein. En plus, c'est revenu au cinéma, deux fois. Maya. Ah oui, Maya. Est-ce qu'il y avait ça à Tahiti, dis-moi. Oui. Bah, oui, du coup. Ah, ça me rassure. Quelqu'un a vu les dessins animés qui sont non, au cinéma? Non, ça m'intéresse pas. Il paraît que c'est petit, je crois que c'est vraiment pas. Moi j'adorais ce dessin animé, c'était un de mes préférés. Moi j'avais un peu peur du dessin, de la qualité du dessin en fait quand j'étais petit. Ça me faisait un peu peur, je sais pas pourquoi. Non, je vois ce que tu veux dire. C'était triste, ça faisait triste en fait. Mais même la chanson, je trouve, elle a des intonations un peu bizarres. Et là je vois le générique, mais le dessin est magnifique quand même. La qualité. Tu vois le côté un peu vieux, mais ça passe. Hein. Mm-hmm. Alors, au suivant. Tiens, alors celui-là, je vais tenter, je me rappelle plus du tout. Je me rappelle plus. Ah, il veut pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, j'espère que ça va passer. Non, c'est pas ce que je voulais. Alors ça, c'était Scheherazade. Non, c'était pas ça. Non. C'est Astérix. Ça c'est les Super Nanas. Oui. On a oublié de parler de Cartoon Network. C'est vrai qu'on a oublié Cartoon Network. Mais Super Nanas en plus, il y a des Lego qui sont sortis là, j'ai envie de les prendre. Alors juste petite anecdote, est-ce que vous vous souvenez que Cartoon Network, quand on regardait ça, bah pour moi, que en vacances, parce que comme il y avait le câble quand on part en vacances, dans les trucs d'hôtel, etc. Moi Cartoon Network fallait payer, c'était un truc supplémentaire. Je partais pas en vacances quand j'étais enfant. Ah, excusez-moi. Mais je pense à tous ceux qui sont partis en vacances et qu'il n'y avait pas le câble. Mais moi il y avait sur la 3 je crois ou une chaîne que j'avais. Ah c'est vrai, c'est possible. Ah ouais il y avait hein. Ah avec le singe, c'était méchant le singe, d'accord. Du même genre il y a Kim Possible que j'aime bien aussi. Ah ça je regardais pas. J'ai dû voir un petit peu quelques épisodes au début mais. Alors, je vais essayer. Ah, il veut pas, d'accord. C'était... Je voulais faire Tortue Ninja, mais il veut pas. Ah, ça, j'aurais trouvé ça. Ok. Alors. Oh, oui. Oh, oui. Bien sûr. Bah, il faut dire. Là, là, on est dans les fondamentaux de notre enfance. Mais je crois de l'enfance de beaucoup de personnes. Père Castor. Bah, Père Castor, hein. Raconte-nous une histoire. Du coup. Je crois qu'il y avait un indice, ça, au dire. Ouais. Sur France 3, tiens. Canal-G, c'est, alors, Canal G, on est d'accord que ça, ça s'est arrêté et c'est revenu. Une histoire, ouais, bien sûr. Raconte-nous deux histoires. Ça va trop bien avec. Père Castor, mettez les lunettes et lis-nous tout. Elle a une voix intéressante, cette fille. Allez, c'est parti. Les Tex Avery. Ouais. Ça aussi, on en a pas parlé, c'est vrai, ouais. Ça, c'était mon enfance. Je regardais pas trop, moi, c'était pas mon truc. Et les Looney Tunes aussi, tous les dimanches soir, je crois. Je regardais pas trop ça. On est à 4-2, je crois. Les Tex Avery, ouais, c'était marrant. Quoi. Ça dépend des personnages. Il y a plusieurs. Il y en avait qui étaient marrants, il y en avait qui étaient moins. Est-ce que des gens regardaient ceci? Moi, je jamais vu. Ça me dit quelque chose? Inspecteur Gadget? Cat Size? Non. Est-ce que vous reconnaissez? C'était Tic Tac. Tic et Tac, pardon. Oh, Ranger de Risque. Tu connais pas ça, toi? C'était sur Disney Channel, j'imagine. Ah, bah non, j'ai pas vu ça. Non, non. C'est Tic et Tac, ça m'intéresse du coup. Mais Tic, tic, tic, tic et tac. Ranger du Risque. Tic, tic, tic, tic et tac. Alors, moi, je sais pas pour vous, mais moi, je suis capable, comme ça, dans un délire, genre, il est 22h, j'ai rien à faire. Je travaille un petit peu, de me faire une playlist et les écouter comme des chansons. Ouais, en sachant, c'est comme les chansons des années 80. Mais nous, on se fait des blind tests en soirée de s'animer des fois. Non, mais moi, je peux danser sur ça. Par contre, là, tu m'as lancé un truc, je savais pas que ça existait, je vais regarder ça assez vite. Mais il y a même le Roi Lion, Hakuna Matata, comment ça s'appelle? Oui, oui, ça, je savais, Pumba et Timon Pumba, oui. Timon Pumba, j'aimais bien d'ailleurs la série Timon Pumba. Alors, attendez, est-ce que c'est ce que je pense? Ulysse 31. Non, je connais pas. C'était Téléchat. Je crois que. C'était quoi? Téléchat. Oh! Dragon Ball? J'ai jamais vu, mais le générique est hyper connu. Ulysse 31? Cosmo 4? Non, c'est un autre. Albator? Non. Celui qui a. Oui, oui, je sais. Ah, Goldorak. Goldorak, ah. Voilà, c'est ça, j'ai. Ça va? Ça va. Ok, mec. Non, mais je suis triste là, bah oui, c'est logique. Ah, on parlait d'eux. Ah bah, Hakuna Matata, Timon Pumba. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. J'aimais bien avec son nom qui était tout vert et tout dégueulasse. Hein. Que tu vives ta vie sans aucun souci. Et j'ai appris qu'il y avait une série Hercule aussi. Philosophie. Ah, non. Mais ça, c'est Disney Channel. Ils avaient leur série. Il y a une série Hercule. Mais je savais pas. Je te jure, j'ai découvert ça avec Adès et tout. Une série. Mais alors, merde. Les doublages, c'est plus les mêmes. Oh, je savais pas. Mais ça, pourquoi ils ne rediffusent pas ça à la télé? Bah ouais, mais moi je savais pas. Tout nouveau, mais on veut rediffuser. Ce sera peut-être sur la. Ah, sur Netflix, la plateforme Disney. Ah bah, ah, mais à 100%. Franchement, je vais me lâcher. Hein. Je vais te regarder. Tu te rappelles ou pas avec Riri, Fifi, Loulou? Oui, la bande quand fiction. Non, quand ils sont adolescents. Adolescents? Ah oui, putain, oui. C'est vrai. Attention. Alors celui-là. Boba, mon petit ourson. Petit ourson. Jamais vu en vrai. J'ai vu, mais c'est pour. C'est enfant. Hein. J'ai dû voir ça peut-être. C'est un petit indien avec un ourson. Tout. On n'avait pas ça à Tahiti. Alors là, En fait, je peux faire ça pendant 2 heures. C'est le plus grand boss de Picsou, la bande à Picsou. La bande à Picsou. J'espère que Disney. Ça, je le mettais souvent vers Noël, c'est dommage. C'était le kiffer galé sac, machin. Il y avait même un film, je sais pas si tu te rappelles. Mais tu te rappelles ou pas? Mais ils ont fait le film de Scrooge aussi. J'en ai vu quelques-uns, mais. Ouais, le film il le mettait presque tous les ans. C'est... Tous les ans vers Noël, c'était les Astérix et la bande à Picsou. La chante. De... Les Goumis. Est-ce que vous vous souvenez, c'est des genres de petits ourson. Les quoi? Non. Les quoi, t'as dit? Le Goumi. Vous vous souvenez ou pas? Ah non. Pas du tout. Ça. Mon micro marche? Pas du tout. Bof. Non, là tu m'entends? Ouais, on entend. Tu refais? Tu m'entends? Si, on t'entend, mais ah, un peu plus fort. Mais je suis à fond. Hein. Ah, et, bon, là, bah... et moi, on m'entend. Mmh. Ouais. Les Goumis, moi je me rappelle j'avais la cassette. Non, je connais pas. Mmh. Alors ça, ce générique, les gens, peut-être que si je voyais à quoi il ressemblait, ouais, mais sinon... Je suis en kiff de ce dessin animé. Ça me dit quelque chose. La cassette chez ma grand-mère, je kiffais déjà juste le générique, j'étais bon. J'étais dans mon petit canapé, là, tranquillou, à 5-6 ans, on regardait les entrechats. Tu te rappelles pas ah, de ça? Ah, c'était ça, ouais, c'était déjà, ça me dit quelque chose. Il y avait des histoires. Il y avait Samurai Pizza 4, qui était pas mal aussi. Tu connais pas? Ouais. C'était des chats mais samouraïs et tout, avec des armures et tout. Tiens, celui-là. Dans le secret d'un laboratoire de Futurapolis, le professeur Bactus a créé un nouveau... Cortex Menus? Non, cependant ce robot du 21e siècle... Astro Boy. Tout à fait comme les... Ah non, j'ai jamais regardé ça. J'ai jamais regardé. C'est un enfant. Ils ont même fait un film, hein, mais j'ai jamais vu. Ouais, des films... Il y a plein de trucs sur la scène. D'ailleurs, il y a un mec qui m'appelait comme ça au taf. Ouais, enfin. Il est normal. Pour Rangers. Non, c'est toujours Afro. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Attention. Celui-là, il est. Ulysse 31. Au fin fond de l'univers. Non, là, c'est. À des années et des années-lumière de la Terre. C'est normal. Salvator, non, gouvernement intersidéral, Capitaine Flamme, pardon. Appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes. À fond. Mais ça, je regardais pas non plus. C'était trop bien. Non, j'étais trop jeune. On a perdu Jérémy. Si on aurait la vidéo là, vous auriez tellement kiffé. Il y a une petite chorégraphie. Magnifique, magnifique. Merci. On m'appelle Chris Marquez dans le métier. Et ça, j'achète! Dragon Ball? Ouais, direct. Dragon Ball! Z! Ouais, c'est là que je suis. Ah merde, non, c'est pas celui-là, c'est Dragon Ball tout court. Bah, j'étais sur Dragon Ball Z. Vraiment. Pardon, excusez-moi. Ouais, mais je connaissais comme toi. C'est quand même Dragon Ball, j'ai reconnu quand même, t'inquiète. Est-ce que c'est Dorothée? C'est là? Ouais, je crois, ouais. Le premier, oui. Attention. Alors, celui-là traverse les générations. Non, bah, papa, bah oui. C'est vrai que ça traverse tout. C'est... Sauf, encore... du coup, les océans. Parce que... Ah, bah, alors, bah, papa, c'est pas venu jusqu'à vous. Mais c'est vrai que les enfants, même, je crois. Kylian, par exemple, je crois, il en avait regardé et tout. Ouais. Enfin, je vois ce que c'est, hein, mais. Après, j'ai jamais regardé, hein. Mais je vois ce que c'est. Bon, là, on se fait plaisir. Ah non, attendez, c'est pas le bon, c'est plutôt celui-là. C'était pas ça... les inconnus, toi? Non, il ne veut pas, il ne veut pas, donc on va prendre le premier. La vieille série, là. La schrumpf, hein. Ah, direct. Ah! Bob l'éponge. Ouais. Direct. Bob l'éponge, car... Je fais une petite dédicace à mon frère, du coup. Comment il s'appelle ton frère? William. William? Je vois William. Il y a quel âge, William? 18 ans. Mais c'est un truc entre nous, en fait. Oh, je... Voilà. Private joke. Vous avez un délire sur Bob l'éponge? Vous avez, voilà, un délire sur Bob l'éponge? Je ne sais pas. Alors. Private joke. Là, je pense qu'on avait quoi? 3 ans, là? 3 ans, là, je pense. 4 ans, même pas. Marie-Antoinette, non, je... L'impératrice? Si, si, l'impératrice? Non, pas du tout, vous êtes pas du tout sûr. La mère de Sophie? Non. Ah, Babar! Ah, Babar! Ouais! Oh non, si, en plus, ma soeur a kiffé. C'est vrai que c'était il y a longtemps. J'en ai vu quelques-uns, parce que ma soeur regardait, ouais. J'aimais bien, moi. Mmh. Ma mère, elle me disait les livres. Bah, c'est triste, des fois. Hein. Ouais. C'était très triste, ouais. Mais on avait des trucs badants. On l'a oublié, celui-là! On a oublié la série. La série. Les Simpsons. On l'a zappé. Bon, la série. Ah non. Moi, mais c'est plus vieux. Moi, c'est pas jeune que je regardais. J'avais toutes les saisons. Moi, c'était plus vieux que j'ai regardé ça. Moi, j'avais pas le droit de regarder. C'était trop violent, c'est ça? Ouais. C'est vrai que. C'est moi, c'est plus vieux que j'ai regardé. C'est pas dans ma jeunesse. Tiens, je connais pas ce générique. On va voir ce que c'est. Comme ça, Ah bah non, j'ai déjà passé, autant pour moi, c'est Cold War. C'est quoi? Ah non, celui-là. Mais Looney Tunes, c'est Animaniac. Bah Looney Tunes, King Tunes, oui. Je suis un grand malade de King. J'avais trouvé un... Je vous jure, sur ce que vous voulez, que dans ma chambre, il y avait une affiche King Tunes. Il jouait à la guitare électrique. Trop bien. J'avais une... J'avoue que c'était trop bien, ça. C'était trop bien. Juste, quand même, grosse dédicace au doubleur, quand même. Parce que ça, à doubler, donc, il faut le faire. Non, mais c'est un plaisir. Ah tiens, ça va faire plaisir à quelqu'un. Je dis ça, je dis rien. Tu m'en dis. Non. Il n'y a pas que toi dans cette salle. C'est quoi? Sakura. Oh là là. Non, parce qu'elle a oublié de la réponse, parce qu'elle s'est mise à danser, elle est partie bah, direct. Bah ça va, ils le disent la réponse. C'est l'hormone. Ah oh, j'aimais trop. Ah ouais. J'étais en maternelle. Bon bah, pour ma soeur celui-là alors. D'un deuil à Harmony du coup. Alors, allez, encore quelques minutes. Oh là là. Attendez, ça n'a pas commencé encore. Ah d'accord. C'est bon, non? Non. Et bah j'avais oublié que c'était ça. Ah non, je sais c'est quoi mais je sais plus. Enfin, Total Spice, non? Ouais. Voilà. Parce que maintenant il y a un nouveau générique, c'est pour ça maintenant. Parce qu'il y a une nouvelle série. Bon, en fait, il y a même une fille en plus maintenant. Il y a une quatrième. Ah ouais, là j'ai vu vite fait en passant une fois. Par contre, les dessins restent pareils, donc ça c'est cool. Bon, on se fait plaisir. Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je m'attrape sans répit. Bam. Je ferai tout pour être vainqueur. Et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière. Vainquant avec espoir. Les Pokémon et leur mystère. Le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les toutes l'histoire. Ensemble pour la victoire. Rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. On a tous pris la casquette, on l'a fait en mode ça. Ouais. Bon, je suis désolé, mais il y a une autre série aussi. Où là, j'étais en transcendance. Olivier Tom. J'avance jusqu'au quand même, jusqu'à. Oh oh. Quand on a trouvé le bon équipier. Je te dis, après 22h20, je suis là, j'écoute ça, je suis en... Moi, je mets... J'écoute Obispo, un peu de classique, et après, je fais un petit Olivier Tom. Ils sont toujours en forme, Tom, Olivier. Ils sont... Ah, ça marche pas de chance, hein. Pour gagner. Merci, merci à ceux qui ont créé cette série. Ah, ça va faire plaisir à quelqu'un. Quelque chose. En fait, c'était plus prenant. Mais en fait, j'avais complètement oublié. Ah ouais, ah non. Ouais, moi aussi. C'est ça le générique. Ah ouais, non, alors en fait, bon, on a totalement zappé ce truc. Tiens, j'adorais les sonnets. Ouba, Ouba, c'est lui, Marsupilami. Ouais. Ouais, j'ai dit tout dans l'autre sens. Oh, tiens, Marsupilami. Martin Matin, ok, bon. Ouais. En se levant, Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue des ailes de dragon. Yu-Gi-Oh! J'adore cette chanson. Je la mets en haut de la pyramide. Oh, dis donc, c'est beau. Avec Olivier Tom. Qu'est-ce que c'était bien? Tiens! Les cafards? Non! Les zinzins d'espace! Les zinzins d'espace! Ça a été bien! Ah, c'est quoi ça? Déjà? Petit œuf? Oui! Ah oui! En fait, ils étaient habillés dans le générique quand même, il faut oser en fait, je viens juste d'y penser. Ouais, c'est vrai! Martin Mystère! Je l'ai entendu tout bas, c'était Martin Mystère! Celle-là, je serais vraiment chaud de me la retaper, la série. C'était pas mal, hein. Très bien. Et Jackie Chan, quand même, aussi. Bah, Scooby-Doo. Nous, on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Mais moi, parce que... attention, je vais faire le vieux. Moi, je regardais Scooby-Doo avant celui-là. Ouais, je peux comprendre. Mais je regarde un peu celui-là aussi, quand même. Là, quand même, il a cartonné. Celui-là a cartonné, mais je regardais celui-là d'avant. Hein. Tintoro. Tintoro. C'est moi le plus petit des grands héros de famille. Reine de tout le sol, les flics grands. Ça, c'est. Titi Grominet. Ah oui. Allez, on fait une journée des amis. Je me rappelle quand j'étais ado, même non, petit, je me faisais toutes les cassettes. Hein. Ah, moi aussi. En, on faisait déjà du binge watching avant Netflix. Ça va complètement. Ah, il veut pas pour celui-là. Allez, encore 3 et après je vous laisse tranquille. Ah, bah, nous on kiffe. Hein. Là, on est bien là. Gadget, Inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget, ouais. Et là qui va là. Inspecteur Gadget. Et là ça va pas. Pareil, c'est plus l'ancien qu'ils en ont fait un autre après, j'ai regardé plus l'ancien moi. Puis après ils en ont fait un où il y avait deux petits gadgets, enfin un Inspecteur Gadget puis deux petits avec. Moi je regardais celui-là où il y avait que un Inspecteur Gadget quoi, et la fille, le chien et tout. Ah ça, Jimmy Neutron. Yes. Ça j'ai dû regarder 3-4 épisodes. Je crois que j'étais trop vieux quand c'est sorti aussi. Par contre j'ai un jeu de PC que j'ai bien fumé, Jimmy Neutron. C'était bien, hein, mais ça fallait chercher dans la ville et tout. Tu te rappelles ou pas? J'ai pas vu. Mais il fallait chercher dans la ville et tout, dans le jeu, il y avait des trucs super chauds. C'était super bien comme jeu. Ah oui. Ah oui. Ah c'est... Alors là, années 60, je pense. T'as mis quelque chose? Ah, comment ça s'appelle? The Woodpecker, là. Woody Woodpecker. Woody Woodpecker, ouais. Ah ça, j'aimais bien. Il était en mode de le taper, mais j'aimais bien, c'était un enfoiré. C'est vrai que c'était un enfoiré. Et il gagnait, c'est comme Tic et Tac avec Donald, toujours Tic et Tac gagne. Ah bah Dora, bah ouais, je porte des baskets. J'adore ce mec. Attends, tu vas pas laisser partir sur ça par contre, hein. Y a un film live qui arrive, hein. Un film live, hein. En live? En live, mec. Ça me fait peur, hein. Tu finis pas sur ça, hein. Non. Ouais, non, s'il te plaît. Lucky Luke. Ouais, le Far West, nanana. Ouais, bah mon chapeau Batman, c'est Lucky Luke. Ah, il était c'était cool. Jean Dujardin, je crois que vous allez voir. Panthère Rose. Non mais voilà, quand même. C'est quoi ça déjà? Oh, enfoiré. Et Wings. Quoi déjà? Je connais pas. Mais alors par contre Jérémy est à fond. Vous le voyez pas mais... Ça me dit quelque chose. Une série française. Style japonais. C'est pas des Wings non? Open Star Racers. Ah non je connais pas finalement. Mais la musique me dit quelque chose. La musique est très bien je trouve. On a déjà dû mettre la musique. Franchement la série est super bonne. Je vois pas c'est quoi, je connais pas. Toujours elle est de qualité. Je pense qu'on m'a déjà mis la musique et que j'ai eu la même réaction du coup. Ouh. Digimon. Il est trop fort. Mais mec, il y a une aspiration. J'ai regardé cet animé. J'avoue, ce truc-là, il me reste dans la tête. Là, je l'ai dans la tête, c'est trop tard. Jackie Chan. Hop. T'es insupportable. Ah, j'ai envie de le. Ah, ça y est, il m'a branché. Il en reste encore quelques-uns et après, c'est bon. Ah, j'ai envie de regarder Jackie Chan là. Ah oui, ah oui. Bravo, bravo la France. Entre ta veste et le buisson. Ah, Feu de rue, oui. J'étais trop vieux déjà, je pense. Ah, celui-là était sympa. Bah, Razmo, enfin, les rats. Ça fait danser les rats, ça. C'est parti. Bah, Razmo. Moi, j'ai pensé à Razmo qui est du coup, mais. Allez, plus que deux. Ah, je sais pas, il va retrouver d'autres. Celui-là, il est en haut de la pyramide avec Yu-Gi-Oh! Et Olivier Tom. Kodioko, ouais. Oh il me l'a mis quand même. Oh il me l'a mis quand même. Il en reste encore. Bon bah Nathan, c'était pour toi celle-là. Ouais. Je me fais juste l'intro si ça vous dérange pas. Ouais, moi ça m'en met pas. Big up Nathan. Big up Nathan. Vous voyez pas mon danse. Big up Nathan. Ouais, ouais. Il existe un monde naturel et différent. Où chaque plus. Pardon, virtuel. Différent. Pas, où chaque seconde fait de nous des combattants. Notre seul espoir est de tout reprogrammer. On ira, on saura sauver notre existence. Une chance de tout effacer. Je connaissais pas les paroles, du coup je fais un peu de sauver notre existence. Ah ouais, il se lâche. Un monde sans danger. Merci, non, je plaisante. Bon, le dernier, bon, c'est vraiment, franchement, je suis gentil. Jumanji. Bah, oui. Oh. Et on se quitte avec Jumanji. J'aime, c'est top. On va vraiment l'appeler comme ça, l'émission. C'est Jumanji Phoenix. Le retour de Jumanji. Il est content, là. Est-ce que c'est la même musique que dans le film? Non. Pas du tout. Peut-être un peu retravaillé. Non, non. Toi aussi, ça fait longtemps que je regarderai bien. Oh, il pleure. Eh ben, merci beaucoup, Camille et Tommy, d'avoir participé à cette émission où on a mélangé un peu tout. On a parlé des news, on a parlé des débats, on a parlé de Disney, on a parlé des dessins animés d'enfance, on a mélangé un peu tout ça. Il y a eu des petits connards qui étaient dans le couloir et qui nous ont fait chier, quand on se dise, autant on se dit la vérité, et ça je couperai bien sûr, et bien sûr je vous dis merci. La semaine prochaine on sera beaucoup plus nombreux, ce sera à 18h bien sûr, rendez-vous avec toute l'équipe, avec des nouvelles, on va les connaître, on va apprendre à les connaître, on va parler bien sûr des films de la semaine, on fait comme d'habitude, avec des news, des débats, on parle de nos vies, on parle de ce qu'on aime. Je pense qu'on verra Robin des Bois. Oui. Ah non, moi je pense que je vais voir Lola, si, Lola, mais et ses frères. Lola et ses frères. Nous c'est Robin des Bois. Bah, moi c'est Lola et ses frères. Mais au moins, ça m'intéresse. Ça fera des choix différents. Enfin, de toute façon, je crois, alors, je vais vous dire un petit peu, il y a Lola et ses frères, Mauvaise Herbe de Cameron. Après, il m'intéresse ces films-là, mais Robin des Bois... Enfin, je pense que je vais pas y passer. Bon, bah, on va en parler sans souci. Le Grinch aussi, s'il est sorti, pourquoi pas. The Grinch, with Benedict Illumination. Allez. The love of my life. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous. Merci, merci. Bisous. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. Bisous. Salut.